Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Épisode 25, quelques laits anonymes. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Salut Laïs. Alors aujourd'hui un épisode un peu plus court, un peu en retard aussi, donc peut-être vous pouvez remercier nos emplois du temps assez chargés ces temps-ci pour cette brièveté salvatrice qu'on n'arrivait plus depuis un moment. Enfin, c'est peut-être nous porter malheur de dire ça au début de l'épisode, mais aujourd'hui on va vous parler de Les Bretons, des textes qui généralement sont beaucoup plus courts. Ouais, normalement les Bretons sont caractérisés par leur brièveté justement, ils sont relatifs, c'est des textes assez courts qui sont alors c'est généralement en octosyllabes comme la plupart des textes en vers qu'on a vu dans cette émission, ils sont rimés et ils font quelques centaines de lignes, pas plus. Il y en a des un peu plus longs, un peu plus courts, mais on en a déjà un peu parlé des laits quand on a parlé de Marie de France, qui était la grande poétesse des laits en Europe, enfin en France surtout. C'est une tradition qui émerge vraiment au XIIe siècle, plus ou moins à l'époque de Marie de France, justement, et qui ne dure pas extrêmement longtemps, contrairement au roman qui va après passer en prose et qui va vraiment pouvoir devenir extrêmement long. Les laits vont avoir une durée de vie finalement assez courte. On n'écrit pas beaucoup de nouveaux laits à partir de la fin du XIIIe siècle, on en copie encore. Ils vont connaître une renaissance un peu plus forte en Angleterre, où la forme anglaise du roman, en fait, est plus courte qu'en français, il me semble. Plus directement peut-être inspiré a quand même une grosse influence du lait, mais globalement effectivement le lait va avoir une existence assez brève en France. Il va être caractérisé par alors cette espèce de dichotomie dont on avait un peu parlé dans l'épisode Marie de France, mais sur laquelle on va revenir. Qu'est-ce qu'est un lait pour nous? Un lait, c'est un texte qui parle de l'aventure qui a donné naissance à un lait. C'est une dichotomie un peu particulière. Marie de France, dans ses textes, ne prétend pas écrire des laits. Elle prétend raconter l'histoire d'une aventure qui a donné naissance à un chant lyrique qui aurait été composé par les anciens Bretons. Il y a assez clairement un passé celte. Le mot lait lui-même viendrait d'un mot celte, probablement gaélique ou britonique. Et ces auteurs médiévaux, eux, reprennent en fait une tradition littéraire qui va consister à étendre l'histoire de ces laits qui n'auraient pas forcément été très narratifs. Ces laits bretons lyriques originaux auraient été des chansons relativement courtes qui auraient été accompagnées. Alors, la plupart des laits mentionnent des instruments comme la harpe ou la rotte, par exemple, et qui auraient justement été basées sur une aventure qui aurait, elle, ressemblé aux laits que nous connaissons, nous, en fait. Donc là, après un épisode assez long sur un très gros morceau de prose, le Tristan en prose qui fait 3h50, là on fait un épisode un peu plus court. Je pense que de toute façon, ça, si vous n'avez pas eu assez de contenu dans celui-ci, vous pouvez écouter notre épisode précédent. Là par contre, vous avez le temps de nettoyer toute votre maison en l'écoutant. Il faut peut-être vous dire que cet épisode va faire suite à celui qu'on a consacré à Marie de France. Comme on l'a dit dans cet épisode-là, il y a un peu de débat sur la genèse exacte du genre littéraire qu'est le lait. Il y a des gens pour dire justement que Marie de France a basiquement inventé ce genre littéraire parce que c'est très difficile de trouver des laits qui n'ont pas l'air un petit peu au moins dérivés de ce qu'elle a écrit, ou qui sont très proches de ce qu'elle a écrit, comme on va le voir aujourd'hui. Oui, c'est possible, c'est probable, ou possible en tout cas qu'elle ait elle-même... il fait relativement peu de doute quand même que la tradition, disons, lyrique sur laquelle elle se base ait existé sous une forme ou une autre, parce que ça se retrouve aussi dans d'autres formes de littérature, disons, on a vu plusieurs romans arthuriens où on compose volontiers des laits qui semblent correspondre à ces histoires courtes, pour le coup, et l'étymologie celte du mot fait relativement peu de doute, il me semble. Par contre, de ce que j'en sais, après, je ne suis pas spécialiste en étymologie celte, mais... Tu sais, concernant les gens qui traitent de ces textes, ça n'arrête jamais personne de ne pas être spécialiste, tu sais. Alors, effectivement, il y a quand même des sources gaéliques qui parlent du mot laid pour dire vraiment une chanson ou un court récit. Enfin, il parle du chant d'oiseau en l'occurrence, le premier texte gaélique qui est une glose gaélique dans un traité du grammairien prissien qui date du 9e siècle, donc une glose écrite par un moine irlandais, et vraiment pour décrire justement le chant du rossignol. Ou d'un merle, je crois, il parle du merle rapide. Donc c'est vraiment, c'est de là que viendrait le mot lait, en tout cas en français. Ces laits correspondent peut-être un peu presque à des nouvelles, en fait, les laits que nous connaissons, nous. C'est pas vraiment un chant, c'est peut-être un court roman qui aurait pu éventuellement être accompagné de musique, mais qui ressemble effectivement plus au roman de Chrétien qu'à un chant court chanté par un barde celte dans un hall accompagné à l'harpe. Donc aujourd'hui, on va vous parler de, a priori, sept petits laits, parlant avec plus ou moins de détails. C'est des laits qui sont donc anonymes, contrairement à ceux de Marie de France. Pas tous anonymes. Il y en a un qui est attribué à quelqu'un, et ça pourrait être une attribution, disons, légitime. Mais préciser qu'effectivement, le corpus de laits français est relativement faible. On connaît, donc on a une dizaine de laits de Marie de France, un peu plus, et on a à peu près le même nombre de laits anonymes. Et on a aussi quelques laits qui sont techniquement des laits parce qu'ils mentionnent être des laits. Ça semble être la caractéristique principale du lait en vieux français. C'est un court récit qui mentionne le fait qu'il est basé sur un lait ou c'est une aventure dont on a fait un lait ou mais pas forcément une aventure d'ailleurs, parce qu'il y a des laits qui sont plutôt didactiques. Il y en a dont on va pas vous parler, le lait du conseil, le lait de l'épine par exemple, qui semblent être plutôt des espèces de petits fabliaux ou d'histoires d'exemplats. Mais pour le coup, les laits dont on va vous parler sont vraiment des laits narratifs, et surtout sont des laits arthuriens ou para-arthuriens. Certains laits qui n'ont pas grand-chose à voir, certains laits sont directement inspirés en fait de la mythologie, disons pas forcément de la mythologie, mais on sait qu'il y avait un lait d'Orphée en ancien français qui a donné naissance au lait Sir Orfeo en moyen anglais. Il y a un lait qui s'appelle Narcisse, il y a un lait d'Aristote qui est basé sur les histoires d'Aristote et d'Alexandre. Il y a un lait de Pyramétis B, par exemple. Donc, c'est clair qu'à la base, le lait était peut-être celte, mais il a été appliqué à d'autres, d'autres univers. La culture classique, notamment. La culture classique. Nous, on va vous parler des laits, de deux laits qui ne sont pas arthuriens, mais qui ressemblent à des laits arthuriens ou qui ont des bases chez Marie de France, qui sont intéressants parce que le personnage central de ces laits, enfin les personnages centrales de ces laits, ressemblent à un personnage qui va ultérieurement être vraiment très arthurien, l'amant de la fée Morgane en fait. Les autres laits dont on va vous parler sont eux des laits qui mentionnent le roi Arthur ou qui se veulent se rattacher d'une façon ou d'une autre à la matière de Bretagne. Mais comme on l'avait dit pour Marie de France, il y a peu de ces laits qui sont explicitement arthuriens, puis quand ils le sont, c'est le personnage du roi, on nous dit que c'est le roi Arthur ou que ça se passe vraiment à la cour du roi Arthur. Ça semble attester, disons, de la conscience que ça se passe à la cour d'Arthur, mais à part deux laits qui sont vraiment très arthuriens, qui se reposent beaucoup sur des personnages arthuriens, ce qu'on sait d'eux, qui sont les laits, respectivement les laits du corps et du manteau mal taillé, ou du lait du mantel, ou du lait du court mantel, suivant comment, ces deux laits-là sont vraiment très très arthuriens et très étroitement liés, le lait de Thiolet aussi un peu plus, mais un lait comme le lait de Mélion, par exemple, n'a pas grand-chose arthurien, objectivement. On va revenir sur ça dans une minute. Donc on peut commencer par vous dire peut-être où est-ce que vous pouvez lire ces textes. Le texte est la traduction de ces laits. D'ailleurs, il y a une nouvelle édition de la Pléiade l'année passée. Oui, la Pléiade a sorti en septembre passé, donc fin septembre passé, il y a moins d'un an, un volume intitulé « Laits du Moyen-Âge, récits de Marie de France et d'autres auteurs », sous la direction de Philippe Walter, avec la collaboration de Lucie Kempfer, Asdis Magnaus de Tyr, et puis Karine Welchi. Alors les deux, Lucie Kempfer et Asdis Magnaus de Tyr, ont collaboré surtout pour les laits, pour quatre laits. Lucie Kempfer a traduit Sir Orfeo, et puis Asdis Magnaus de Tyr a traduit Goronne, La Grève et Richard le Vieux, qui sont trois laits qu'on ne connaît que par leur traduction norroise. Et tous les autres laits sont c'est en fait l'intégralité des laits ou des textes qui se revendiquent être des laits. La plupart des éditions de laits, par exemple, n'ajoutent pas le corps ou le court mantel qui sont vus comme des récits arthuriens plutôt que comme des laits. Celle-ci a fait le choix de mettre tout ce qui pouvait être relié aux laits parce qu'au moins une copie mentionne le fait qu'on a fait un lait de cette histoire. L'édition est assez agréable du coup parce qu'elle a vraiment tout, elle a Marie de France et ses contemporains, alors que la plupart généralement font soit Marie de France, soit les laits anonymes, soit Marie de France et éventuellement un ou deux laits anonymes pour compléter, mais pour le coup c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Alors après, le bagage critique dessus est peut-être pas voilà, c'est complètement suffisant pour lire les laits. Les théories que Philippe Walter fait sur les laits qui seraient celtes, donc directement inspirés de mythologie hindouiste, parce qu'évidemment, tu sais bien, Laïs, que les hindous sont les plus proches de la mythologie indo-européenne originale et que le sanskrit, c'est la langue mère de toutes les langues européennes. Non, c'est un peu bizarre d'avoir en 2018 un médiéviste français qui vient nous dire, ouais, Emmanuel Cosquin, qui prétendait que tous les contes étaient originaires d'Inde, et que Gaston Paris, en fait, les deux, ils avaient raison, et qu'il ne s'est rien passé en folklore depuis, et que Le cerveau galaxie au-dessus de la phylogénétique des mythes. En fait. Mais c'est vraiment dommage parce que, enfin, dommage. Philippe Walter, il a vraiment tendance à faire ça. Il a écrit des articles sur Gauvin, qui serait un personnage indo-européen parce qu'il est lié au soleil. Il le compare aux enfances de Cyrus ou je sais pas quoi. Enfin, c'est toujours un petit peu. Il a fait son mythologie chrétienne où il adore faire des trucs, parler de trucs païens qui sont toujours, à mon avis, un petit peu. Il a cet enthousiasme médiéviste où il va faire des théories un peu infondées, même parfois de l'autre côté, pas forcément du côté païen, notamment puisque je sors d'un mémoire sur le sapin de Noël. Lui, il avait sorti l'idée de la théorie d'origine chrétienne du sapin, donc les hosties et les pommes, c'est des représentations du théâtre médiéval, sans forcément l'établir. Et je crois qu'il y a quelque chose d'un peu... on en parle régulièrement, mais je pense qu'il y a un côté aussi où les médiévistes français, ils adorent typiquement les théories de Dumézil sur la tripartition. On leur apprend ça à l'université, puis ils adorent ça. Et ils l'ont adopté avec beaucoup plus d'enthousiasme que les antiquisants, ce qui est ironique, parce que justement, Dumézil leur a toujours dit c'est pas très prudent de faire des théories indo-européennes à partir de trucs médiévaux. Il faut toujours prendre la strate la plus ancienne qu'on ait. Donc, bah, forcément, effectivement, pour, par exemple, l'Irlande, ça va être la littérature médiévale irlandaise, parce qu'on n'a rien de plus ancien. Mais Dumézil, il aurait toujours été très circonspect sur la portée de prendre, je sais pas, de la littérature arthurienne ou compagnie, sans prendre de précautions. Alors que les médiévistes français, j'ai l'impression... Ce côté très universaliste, finalement. On veut absolument faire des grandes théories du tout et on est obligé de résoudre le mystère du Graal. C'est absolument indispensable de comprendre que le Graal, en fait, est préservé par... une famille secrète dont le plus illustre représentant est un impoère, le président du... Non, je divague parce que Laïs m'a offert comment ça s'appelait déjà? Holy Blood of the Grail, le fameux livre qui a inspiré Dan Brown pour le Da Vinci Code pour mon anniversaire. On fera peut-être un épisode spécial Holy Blood of the Grail, je pense qu'il faudra qu'on en fasse une fois. On devrait faire un épisode sur les quêtes du Graal moderne, disons les gens qui essayent aujourd'hui de trouver les Templiers et tout, ce serait intéressant. Spoiler alert, c'est un impoère qui est en fait le descendant des Mérovingiens et le possesseur du Saint Graal. Qui était, parce que maintenant il est mort, regretté un impoère, président par intérim à deux reprises, si près du but, si près de la c'est vraiment le niveau légitimiste ultime, c'est genre tu descends les ours légitimistes, tu descends des mérovingiens qui descendent de Jésus, genre t'es l'ultime descendant, c'est ça. Plus sérieusement, donc les idées de Philippe Walter, notwithstanding, comme on dirait en anglais, l'édition est très bonne, j'ai trouvé, les traductions sont assez agréables. Vous avez l'édition, contrairement à certaines éditions de la Pléiade, là vous avez vraiment le vers qui est en pleine page à gauche et la traduction à droite, ce qui est très agréable à lire. Parfois la Pléiade, pour les trucs en prose notamment, ils mettent la version originale en tout petit haut, en bas ou en gros en haut, je sais plus comment ils avaient fait pour je crois que c'était en gros en haut puis en tout petit en bas, t'avais la traduction française. Alors pour Chrétien de Troyes et puis pour le Lancelot Graal, donc respectivement en vers et en prose, ouais, ils tassent le texte original en bas de la page. Moi je trouve que ça passe plutôt bien parce que ça permet de faire des trucs un peu plus denses, je trouve. Ça passe, mais d'un côté j'aime bien quand je lis un truc, j'aime bien que les deux soient surtout, alors là ils n'ont pas d'excuse parce qu'en fait ça prend pas beaucoup de place, c'est des textes assez courts. Il y a un matériel critique assez important qui est, bon voilà, il vaut ce qu'il vaut, mais il y a toutes les variantes, il y a vraiment tout le texte, tout l'établissement des manuscrits est précisé pour chaque lait, ce qui est pratique. Et surtout ils ont édité dedans une petite liste de laits qui est en fait trouvée dans un manuscrit français ou anglo-normand, je sais plus, si enfin un manuscrit en ancien français, qui liste justement toute une série de textes qu'il revendique comme être des laits, c'est-à-dire que ce manuscrit va expliciter en fait, c'est ce qui permet en fait d'affirmer que certains textes anglais sont clairement des textes, des traductions de textes français ou qu'il y avait des textes français qui existaient à la base, puisqu'il liste toute une série de laits, de récits qui seraient un peu, on ne sait pas si c'est un sommaire ou si c'était un catalogue d'un scriptorium qui les proposait, peut-être, on ne sait pas exactement, mais ils lisent toute une série de je crois que c'est quelque chose comme 67 titres. Alors il y en a 21 qui sont édités par Walter et ses coéditrices, mais il y en a qui sont tout à fait inconnus, il y en a qui sont clairement des autres textes arthuriens, comme le Bel Inconnu par exemple, qui est perdu en anglo-normand, mais qui existe en ancien anglais, et puis qui y a un roman à la base. Il y a des laits aussi purement chrétiens, comme le lait de la Croès, qui a pu être, par exemple, un récit de la... qui est peut-être un récit de la... soit une traduction du Dream of the Roots, ce serait marrant, soit une, plutôt un narratif de la découverte de la croix par Hélène, la mère de Constantin. Il y a des... par exemple, un lait qui s'appelait Uther ou Uthel Penmain, Uther Penmoine. Donc, la traduction de Uther Penmoine, c'est le frère d'Uther et de Pendragon dans le roman de Merlin. Donc, c'est peut-être un fils, effectivement, ou un équivalent d'Uther Pendragon. Il y a un Merlin sauvage aussi dans cette liste. Donc, cette liste permet d'affirmer qu'il y avait une tradition littéraire du lait plus vaste que celle qui nous est parvenue. Mais aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. L'édition de Walter est la plus complète, mais il y a d'autres traductions de tous les lettres. Vous pouvez trouver, alors Marie de France, vous en trouvez plusieurs éditions. Il y en a une, je crois, qui mentionne, qui contient quelques lettres anonymes, mais seulement ceux qui ont vraiment des liens très directs avec elle. Donc, c'est peut-être pas la meilleure idée d'utiliser ça. Alexandre Micha a traduit l'édition Drow des lettres féeriques, donc les lettres anonymes classiques, disons, qui sont Graeland, Gingamor, Désiré, Tidorel, Thiolet, donc Aubépine, Mélion, Dawn, Tro, Libertin ou Lécheur et Nabaret. Nous, on va vous parler que de Graeland, Gingamor, Thiolet et Mélion, mais il n'y a pas, par contre, les laits de Robert Bickett, donc le lait du corps et le lait du Courmantel. Il n'y a pas les traductions, vous n'avez pas les traductions de laits qui ont survécu dans d'autres langues. Donc, Micha, c'est aussi... Mais c'est, par contre, c'est une façon assez agréable aussi d'avoir certains laits que vous ne trouverez pas ailleurs. Sinon, je ne sais pas trop, y a peut-être des laits individuels qui ont été édités séparément, mais... Alors, ils ont tous été édités un peu séparément. Il y a aussi beaucoup d'éditions qui en rassemblent deux ou trois ensemble. Typiquement, moi, j'ai lu le Thiolet dans une édition bilingue italienne de Margherita Lecco de 2015, qui avait le Gingamor, Tidorel et Thiolet, avec le texte français original, puis un texte italien en vis-à-vis. Visiblement, ça doit être une édition, ça doit être une copie récente, parce que moi, je la vois en 2012. Ah, alors peut-être c'est une réédition. Chez De Ferrari. Oui, Margherita Lecco. Mais en tout cas assez récente, mais du coup c'est voilà, là vous avez les trois en particulier, parce que oui effectivement ils ont des proximités de thèmes. Il y a aussi en français, en deux volumes, un recueil des laits narratifs français, donc qui contient justement tous les laits de Marie de France et les laits anonymes, qui sont des laits narratifs, donc c'est-à-dire que par exemple le lait du conseil ou les laits qui sont didactiques et pas forcément, qui n'ont pas forcément une histoire, ils ne vont pas faire cette édition-là, mais c'est là-dedans que je les ai surtout lus pour ma part. Bon, vous avez évidemment des éditions anglaises, effectivement vous avez les versions Drow traduites, il y a aussi une édition chez Paléo, par exemple des laits anonymes de Bretagne, de 2002, non, je sais pas, 2002-2003, donc je ne sais pas trop ce qu'elle vaut. La Pléiade, si vous la trouvez en bibliothèque, c'est une bonne solution, mais effectivement elle coûte 70 balles, donc c'est peut-être pas la meilleure. Pour le lait du corps et le lait du Courmantel, si c'est ceux qui vous intéressent, parce que c'est effectivement les plus arthuriens, peut-être les plus originaux de tous ces laits, qui reprennent des thèmes d'ailleurs qu'on a trouvé dans les continuations de Perceval notamment. Il y a une, alors eux ils sont un peu plus édités parce qu'ils ont une postérité littéraire aussi plus importante. On l'a eu des traductions, notamment dans les traductions. Il y a une traduction en vieux norrois, Mötul Saga. La saga du manteau. Mm-hmm. Mantel et corps de lait du XIIe siècle, une édition anglaise, donc du texte français, il n'est pas très difficile à lire. Vous avez une édition traduction française de ces deux-là, par Nathalie Coblet aux éditions de l'ENS à la rue d'Ulm, qui s'appelle Le lait du corps et le manteau mal taillé, les dessous de la table ronde. Qui est une édition un peu fine des deux, spécifiquement avec la traduction en français qui peut être une solution. Il faut dire que les deux sous la table ronde, c'est un titre qui est assez élégant pour les deux. J'aime bien l'intérêt. C'est deux laits qui ont beaucoup de parallèles, qui sont très très. Ils sont intéressants à étudier ensemble. Donc c'est pratiquement la même histoire, il faut dire. C'est la même histoire. Et ceux-ci, vous ne les trouverez pas dans la plupart des éditions de laits autrement. Donc c'est peut-être l'édition de Coblet qui est la plus facile à trouver, je pense, si vous la cherchez séparément, en dehors de celle de Philippe Walter, justement, dans les laits du Moyen-Âge. Mais effectivement, encore une fois, si vous ne voulez pas payer 70 balles pour la Pléiade et que vous ne l'êtes pas en bibliothèque, vous rabattre sur l'édition, disons, plus séparée, c'est peut-être une solution. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de notre introduction. Je pense qu'on peut commencer directement avec le lait de Gingamor. Le lait de Gingamor, exactement. Alors, le lait de Gingamor, c'est en fait, il ressemble nominalement à un lait de Marie de France qui s'appelle le lait de Guigemar. Mais Guigemar racontait, si vous en souvenez, l'histoire de quelqu'un qui était blessé à la chasse à une biche et qui se retrouvait dans des histoires de navires qui bougeaient tout seul un peu comme dans les nefs de la quête d'El Saint Graal. Et en fait, l'histoire de Marie de France, ce type va avoir des relations avec des dames dans des espèces de forteresses, disons, individuelles. Il est, en fait, ce personnage de Gangamar se retrouve parmi les vassaux d'Arthur chez Erek et Enid, donc chez Chrétien, et il est mentionné comme le seigneur d'Avalon, l'ami de Morgane la Fée. Donc après, on va, il va généralement dans la mythologie arthurienne être ce personnage justement d'un des amants de Morgane. Il y a cette histoire qu'il est le cousin, si vous vous en souvenez peut-être, il est cousin de Guenièvre, et puis Guenièvre se fâche avec Morgane parce qu'elle, je crois qu'elle elle essaie de les dissuader de se mettre ensemble. Elle désapprouve leur relation. Dans la version vulgate, dans la suite du Merlin, je crois, hein, c'était ça. C'était dans la suite du Merlin, puis après, c'était une des raisons dans le Lancelot. Qui est présenté de leur... Enfin, disons, dans la suite du Merlin, elle est rétrospectivement ajoutée parce que c'était l'idée qui était lancée dans le Lancelot, il me semble. Alors, je ne sais pas si le nom de l'amant de Morgane est toujours le même, mais en tout cas, le motif reste. Ouais. Le motif reste. Dans la version anonyme, Gangamor est un personnage un peu... qui ressemble un petit peu à Lanval, plutôt. Il est le fils d'un roi de Bretagne dont on ne dit pas le nom, c'est clairement pas Arthur, mais ça ressemble beaucoup quand même. Il est le neveu du roi, j'ai dit le fils, je crois, il est le neveu du roi. Il ressemble beaucoup en fait à Gauvin dans pas mal de parallèles, mais la dame, la reine du roi, est amoureuse de Gangamor et elle va essayer de le séduire. Alors il y a toute une histoire de qu'il oublie son manteau chez elle en jouant aux échecs pendant que les autres sont à la chasse. Puis elle lui ramène, mais il refuse ses avances. Et donc, il prend congé finalement parce qu'elle se met à le détester. Parce qu'il lui veut partir à la chasse. Puis elle pense, oh, il va mourir en allant à la chasse. Donc elle dit oui, allez, donnez-lui ses armes. Puis débarrassez-moi de ce chevalier qui refuse mes avances. Et en poursuivant un porc blanc ou un sanglier blanc, il arrive dans une clairière où se baigne une demoiselle dans une fontaine, une demoiselle extrêmement belle. Qui est nu et il voit les vêtements, donc il essaie de prendre les vêtements de la dame pour la tenir en son pouvoir, mais elle le rabroue et elle lui dit non, vous allez pas faire ça, c'est un forfait horrible. Donc il accepte finalement de lui donner ses vêtements et de la suivre. Elle lui rend le petit chien qui suivait à la chasse au sanglier, et pendant 3 jours, alors il vit. Il vit chez elle dans un faste absolument formidable. On nous dit qu'il y avait vraiment des magnifiques jeunes gens qui vivent dans le domaine de cette dame au milieu de la forêt. Ils jouent aux échecs, au tric-tac. Il y avait 10 chevaliers qui étaient partis à la recherche du même chevalier que lui, qui était perdu à jamais. Donc on comprend assez bien que c'est en fait un côté un peu... Il est dans l'autre monde, en fait. Il est chez une fée ou quelque chose de similaire. Et le troisième jour, il décide de rentrer chez lui, mais elle lui dit « Mais non, ça sert à rien que vous rentrez chez vous, parce que vous êtes resté 300 ans ici, en fait. Chaque jour où il est resté ici, il s'est passé un siècle. Tous les châteaux qu'il a connus, tous les lignages sont morts depuis longtemps. » Et lui, il refuse, il dit « Non, mais c'est pas possible, vous dites des bêtises. » Il reprend son chien et la tête du sanglier qu'il a fini par atteindre, et... il décide de partir quand même, mais elle lui fait promettre avant de partir de ne rien manger dans le monde d'où il vient, parce que ça pourrait être la cause de sa ruine. Et alors il y va, il chevauche, mais quand il quitte la forêt, il voit que la forêt est devenue horrible et noire. Alors elle est laide, luxuriante, elle est vraiment sombre et vraiment sauvage. Et il tombe sur un charbonnier qui fait du charbon. Et alors il demande où est passé le roi, et le charbonnier comprend qu'en fait il parle d'un roi qui est mort depuis des siècles, et qu'il parle de le Gangamor. Le nom de Gangamor lui dit quelque chose effectivement, mais c'était le neveu de ce roi qui est parti à l'aventure dans la forêt et qui n'est jamais revenu. Alors Gangamor lui explique que c'est lui, il lui montre la tête du sanglier blanc pour lui expliquer voilà, c'est moi qui suis parti à la chasse de sanglier dans ce bois, j'en suis jamais revenu, effectivement. J'aime beaucoup le moyen de montrer qu'il a voyagé dans le temps de cette manière. Il a regardé, j'ai une tête de sanglier. Bon sang, cela prouve qu'il doit dire vrai. Et donc il lui laisse la tête de sanglier pour lui le raconter. Et en fait, il le quitte, et puis en chevauchant, il se met à avoir faim, puis il oublie un peu le conseil qu'on lui a donné dans la ruine de la fée, et il mange 3 pommes d'un arbre, des grosses pommes, et en fait, il tombe, il devient si flétri, si vieilli. Que son corps est si affaibli qu'il tombe fatalement de son cheval, ses pieds et ses mains n'existent plus, nous dit le lait. Donc il se met à gémir, le charbonnier l'a suivi, il voit ce qui lui arrive, et puis il voit 2 dames dans un superbe équipage très bien vêtu qui arrivent, qui rabrouent Gangamor pour avoir pas respecté les ordres de la dame, et qui le ramènent de l'autre côté de la rivière dans la forêt d'où il vient. Et le charbonnier rentre chez lui avec la tête du sanglier, puis il présente la tête au roi, au nouveau roi du pays, qui l'a fait exposer. Puis pour commémorer cette aventure, nous dit le texte, le roi fit composer un lait en lui conservant le nom de Gangamor, Ainsi l'appellent les Bretons, donc ainsi l'appellent les Bretons. Donc on le voit, Gingamore n'a pas grand-chose à voir. Il y a quelques idées assez du chevalier un peu qui va dans une chasse mystérieuse et puis qui finit dans des circonstances un peu pas terribles. Mais c'est un peu plus négatif presque que chez Marie de France. Et surtout, il y a ce côté vraiment amant d'une fée qu'on a pu voir après dans le personnage de Gingamore, l'amant de Morgane. Hein. Ouais. Il y a un peu de ça. Et c'est clairement un thème celtique. On a aussi l'histoire de Oisin dans le Tir na n'Og qui lui va dans une espèce de lande au-delà des vagues et il se retrouve l'amant d'une fée, justement d'une espèce de château merveilleux. Puis un jour elle le laisse repartir, mais elle avertit Oisin, tu peux retourner dans le monde des vivants, mais il faut pas que tu descendes de ton cheval. Puis alors il voit effectivement qu'il s'est passé, je crois, des dizaines d'années, et malheureusement il descend de cheval et puis il vieillit immédiatement, il se flétrit et il tombe par terre, ses cheveux deviennent immédiatement blancs, il y a les années qui le rattrapent. Alors après, ce que j'aime bien dans cette histoire, moi, c'est vraiment ce côté de la temporalité assez décalée dedans, en fait. Mm-hmm. J'aime bien l'idée qu'on peut se projeter vraiment 300 ans plus tard et que tout a changé, enfin, ou presque, parce que finalement, il y a toujours des charbonniers, et puis c'est pas si différent que ça. La fin est un peu plus optimiste, parce que là, il y a des dames qui viennent le ramener, ce qui sous-entend que peut-être il y a une possibilité de le restaurer dans l'autre monde, alors que Oisin, par exemple, c'est clairement... Il tombe en poussière. Hein. Le lait de Graland, par contre... Alors, Graland, on ne sait pas si c'est exactement... disons, les gens pensent qu'il ressemble un peu à en termes nominal à Gingamore et à Guigemar. Graland, là pour le coup, c'est clairement un récit parallèle de Lanval. C'est exactement la même histoire en fait. Donc vous vous souvenez du récit de Lanval. Lanval était arthurien, donc Lanval était une sorte de pseudo Lancelot dont la reine tombait amoureux, mais Lanval refuse ses avances parce qu'il a il prend une amante fée en fait dont il dit qu'elle est plus belle que toutes les dames, y compris Guenièvre. Et tout le monde. Mais le problème, c'est que la fée lui a dit: mais tu peux dire à personne que tu es la mère d'une fée et je suis invisible pour tout le monde. Alors, il est finalement sauvé au bon moment. Mais Graland, c'est sensiblement la même histoire. Alors là, on n'a plus de roi Arthur et de reine Guenièvre, c'est juste un roi anonyme. Graland est donc un chevalier fantastique. Il va effectivement être ami de la reine, mais la reine refuse de. La reine, disons, veut être qu'il soit amant plus loin, puis lui il dit non, mais je suis votre ami, mais je suis pas, on s'entend bien, mais je serai jamais votre ami. Et il lui cite Cicéron, il lui cite De Amicitia pour dire non, Tullius dans son récit dit que traité de l'amitié dit que un ami et son ami doivent s'entendre et doivent avoir les mêmes désirs, ils ne peuvent pas, si l'un désire plus que l'autre, ça ne marchera pas. Donc il lui cite vraiment les classiques au visage pour dire non, mais on peut pas être amant. Mansplainer l'amour à l'aide de Cicéron. Mansplainer l'amour à l'aide de Cicéron, exactement. Et du coup, la reine est très frustrée et demande au roi de refuser ses faveurs à Graland, qui devient tout pauvre, qui se retrouve à être hébergé chez des vavasseurs, tout pauvre aussi. Puis un jour, qu'il va à la chasse, justement, en allant à la chasse, il lui arrive plus ou moins la même chose que Gingomar. En fait, il tombe sur une fée nue qui se baigne dans la forêt. Alors, de nouveau, il veut essayer de lui prendre ses vêtements pour l'avoir en son pouvoir, mais elle connaît son nom, puis elle dit non, Gingomar, tu ne prendras pas mes vêtements, tu me laisseras aller en paix. Et ce qu'il fait, et il devient son amant, et elle, donc, c'est cette fée qui vit, il la voit toujours avec lui. Mais elle voyage en étant invisible des autres et elle lui donne des richesses énormes. Elle est fantastique jusqu'à ce que vienne l'idée que ils doivent justement louer la beauté de la reine Guenièvre, enfin de la reine en l'occurrence, pas Guenièvre, mais le roi fait louer à tout le monde la beauté de la reine et Graeland dit non, c'est pas terrible ce que vous faites, et puis de toute façon ma copine au Canada elle est plus belle qu'elle. Et alors comme dans Lanval, effectivement, la demoiselle arrive après que Graeland se soit fait railler parce que la dame dont il prétendait qu'il allait être qu'elle était plus belle que la reine et qui était son amante ne se montre pas au début, puis elle finit par arriver pour le sauver parce que il aurait été exécuté sinon. Donc c'est sensiblement la même chose que Lanval, effectivement. J'aime beaucoup le roi qui est là. Vous connaissez ma femme. C'est ça. Exactement. Vous connaissez ma femme. Elle est belle. Hein. Oui, chef. Et au final, de nouveau, on nous dit que, ils s'en vont dans la forêt de la dame. Ils sont parvenus. Et le petit détail un peu particulier, c'est que elle refuse en fait au début qu'il l'accompagne. Donc après qu'elle ait prouvé effectivement qu'elle était bien la plus belle, elle se retourne dans sa forêt. Elle traverse la rivière. Puis elle dit, maintenant vous restez derrière, parce que je veux plus vous avez, je vous ai sauvé, mais vous avez désobéi à mon ordre de ne pas révéler que j'étais votre amante, donc vous resterez derrière moi. Et puis lui, il se jette dans l'eau, il saute de son destrier, puis il se jette dans l'eau pour la suivre, puis il va se noyer, puis les dames de la fée lui disent, non mais vous n'allez pas le laisser mourir quand même. Donc elle le sauve, et elle le ramène avec elle de l'autre côté. Par contre, son cheval erre perdu avant la rivière pendant des années, puis tout le monde dira, c'est triste, personne ne peut l'approcher. Puis à la saison où Graeland l'a quitté, il hennit tristement à cause du maître qu'il avait perdu. Et c'est horrible. Le texte dit précisément que l'aventure du chevalier, la merveille du bon destrier, l'aventure du chevalier comme il s'en alla au Samy, fut par toute la Bretagne. Oui, en les enfilte les Bretons, Graeland muer, donc Graeland le Grand, l'appelle-t-on. Donc ici, c'est l'idée de la merveille du cheval qui doit. Ça semble sous-entendre que le lait qu'on a composé sur Graeland, qui est basé sur l'histoire que vient de nous raconter le texte, était concentré sur la merveille du cheval, en fait. Donc c'était peut-être l'idée qu'il y avait vraiment un cœur lyrique au lait qui se base sur l'aventure mais qui ne la raconte pas entièrement, et puis après un lait basé sur un cheval qui a mis 6 mois à se noyer en nageant au milieu d'un tourbillon. C'est ça, c'est un peu c'est assez affreux. Donc du coup là, Graeland, c'est un parallèle de Lanval un peu différent, quoi, mais qui n'est pas arthurien. Mais ça illustre bien le fait que autour de Marie de France, du coup, va y avoir des reprises, des modifications, des changements. Et peut-être même qu'elle se base sur des textes qui circulent ailleurs ou des histoires qu'on connaît. Peut-être qu'effectivement, le lait de Graeland dont on nous parle, ça a inspiré Marie de France pour faire Lanval, puis que les deux, en fait, ont la même source. Peut-être que, justement, l'auteur de Graeland se base sur Lanval, ou peut-être qu'il existe effectivement des traditions semblables, mais distinctes de Lanval et de Graeland, qui étaient effectivement des laits bretons. Il faut bien comprendre qu'ici, les bretons, ça ne se réfère pas nécessairement à la Bretagne continentale, mais peut-être aussi au Pays de Galles, à la Cornouaille. Et voire même à des traditions peut-être irlandaises, mais interprétées comme étant celtes ou bretonnes. Donc il y a effectivement, comme tu l'as dit, des parallèles irlandais avec ces amants de fées. Ces motifs-là ne sont pas inédits, disons, à Marie de France. Ces deux textes sont intéressants parce que justement, ils illustrent bien cette continuité qui va au-delà de la matière de Bretagne, même dans des textes qui ressemblent ou qui auraient pu être attachés. Lanval, par exemple, ressemble un peu à... il y a quelques parallèles avec les Heures de Lancelot quand même dans la figure de Lanval et de la fée qui l'abrite. Non, bien sûr, mais le qualificatif arthurien, ça nous aide pas beaucoup, parce que comme on le voit, il y a certains de ces laits qui existent en deux versions, arthuriennes ou pas, puis l'histoire est exactement la même. Oui, c'est ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça illustre plutôt le fait que la matière de Bretagne, au-delà de la matière arthurienne à proprement parler, c'est vraiment un continuum où les figures d'Arthur peuvent être parfois une façon plutôt et plus ou moins pratique de situer la scène quelque part et d'avoir quelques personnages stock utiles. Bah, on comprend Arthur, Guenièvre, voilà, on voit exactement le genre de choses. Et si on sait que la reine Guenièvre en plus est amante de Lancelot, voilà, Lanval, ça fait sens qu'elle prenne un amant. C'est peut-être aussi une idée là qui n'est pas forcément... ça ne fait pas partie de l'essence du personnage d'Arthur, c'est ce qui semble être clair en tout cas. Ce n'est pas comme l'histoire de l'épée du rocher qui a pu être ensuite reprise, et là on la rattache plus directement à Arthur. Alors que là, on est vraiment dans une dimension plus superficiellement arthurienne, quoi. Non, mais c'est comme pour Marie de France, où on a parlé un peu de tous les laits, parce que parler que des laits arthuriens, ce serait un peu bizarre, puis ça les sortirait vraiment de leur contexte, finalement. Oui, effectivement. Mais donc, quelque chose de symétrique, il y a l'histoire de Graeland, vous avez l'histoire de Melion, qui est assez proche du Bisclavret, donc c'est aussi une histoire d'un lycanthrope, quelqu'un qui se change en loup, sauf que là, c'est un peu différent, il se change en loup à l'aide d'un enchantement d'un anneau, mais de la même manière, il est trahi par sa femme. Dans le Bisclavret, il y avait vraiment une dimension de où il demandait à sa... Enfin, sa femme découvrait qu'il était un loup-garou, et elle apprenait qu'il avait besoin de ses vêtements pour se rechanger en humain, puis elle les volait, elle les cachait. Et donc elle avait vraiment l'idée que elle découvrait qu'il avait une espèce de nature un peu il se métamorphosait. Elle planquait ses vêtements, ce qui l'empêchait de revenir à la normale. Et ensuite, il trouvait refuge auprès de la cour d'un roi pendant une partie de chasse, il le rencontrait et il voyait que il avait l'air un peu intelligent, il les attaquait pas, il se soumettait à eux, puis du coup ils l'ont pris comme animal de compagnie. Puis un jour il a attaqué, quand il a trouvé sa femme qu'il avait trahi, il l'attaque et puis finalement... Il lui mange le nez, puis on lui fait raconter toute l'histoire et finalement il peut retrouver ses vêtements. Là c'est un peu différent, Melion peut se changer en loup grâce à un anneau, et sa femme, il lui demande justement de le toucher avec une pierre rouge qui apparemment a un pouvoir magique pour qu'il puisse retrouver sa forme humaine, et sa femme décide de pas le faire, elle se barre en Irlande avec l'écuyer qui devait... Alors faut peut-être préciser que Melion, c'est c'est un phénomène inverse de Lanval. Pour le coup, là, Bisclavret n'est pas arthurien à proprement parler, ouais. Parce qu'on dit bien que Bisclavret se passe à la base en Petite-Bretagne, que ça semble être, plus tard, ça semble être dans une époque autant plus tardive. Là, alors que là, Mélion est un chevalier d'Arthur, et en fait, il quitte la cour d'Arthur parce qu'il a fait vœu de ne jamais être, ou même de parler à une femme qui a... coucher ou même parler avec un autre homme. Ouais. Et en fait, un jour arrive une princesse irlandaise qui lui dit non, je n'ai jamais parlé avec un autre homme ou je ne suis jamais voilà, je serai ton amant. Du coup, ils tombent amoureux, ils ont deux enfants, mais après, il veut à tout prix chasser une biche ou un cerf. Et c'est là qu'il lui révèle, un peu sorti de nulle part, qu'il est loup-garou. Puis on est censé comprendre que l'idée un peu bizarre qu'il a de ses relations avec les femmes, c'est peut-être lié aussi à cette lycanthropie un peu particulière. Un peu le mari, c'est un peu le motif de Mélusine à l'envers, le mari, l'époux fée qui se transforme. Voilà, et alors du coup, c'est intéressant aussi le fait qu'elle, elle vienne d'Irlande, parce que c'est un peu ce côté iseut en fait, qu'on avait vu exotique. Et alors, le Philippe Alter fait un parallèle qui est peut-être intéressant dans l'histoire aussi de Tristan et Iseut, c'est que l'époque où ce lait est, où l'histoire de Tristan commence à prendre en importance, c'est aussi l'époque où les Plantagenets s'établissent de façon plus importante en Irlande aussi. Mmh. Donc il y a des liens forts entre, disons, l'Angleterre et l'Irlande à l'époque. Alors je dis liens forts, c'est clairement des invasions et un processus colonial, on est d'accord, mais c'est... mais ça crée des liens. Mais il y a, disons, une base, disons, historique dans cette idée qu'on a des gens d'Irlande qui viennent, on a un mouvement entre les deux, et Mélion se résout en fait par une venue d'une expédition d'Arthur qui vient en Irlande en fait, et puis qui voit, qui rencontre le loup, et les chevaliers d'Arthur, Gauvain en tête, disent ah mais ce loup il nous semble bien gentil, il semble bien gentil avec nous, il nous attaque pas, et en fait c'est en venant à la cour du roi d'Irlande qu'a rejoint la princesse justement qui était l'épouse de Mélion avec son écuyer, que Mélion va attaquer la princesse et l'écuyer, et que la vérité va être révélée, et que c'est le roi Arthur qui décide de rétablir Mélion dans sa forme humaine. Après quoi Mélion va dire non, toutes les femmes sont pareilles, elles nous trahissent à la première opportunité, et il laisse son ex-femme en Irlande, puis elle est sauvée parce qu'elle a produit deux garçons, donc deux guerriers, et pour leur salut, il faut la maintenir en vie. C'est vraiment, il va se venger sur elle, puis Arthur dit non, mais la tue pas quand même. Donc, coup de gueule Arthur. Quelle magnanimité. Qui est assez magnanime sur ce coup-ci. Mais voilà, là, le procédé qui est intéressant, c'est que pour le coup, on ajoute une couleur arthurienne, et la couleur irlandaise aussi d'ailleurs, ouais. à cette histoire, ce qui ça fait effectivement beaucoup penser à Tristan et Iseut, ou Tristan en prose. On a ces voyages, cet Arthur qui se rend en Irlande à l'occasion, c'est assez semblable dans cette histoire là quoi. Je sais pas ce que t'as pensé de Mélion toi autrement, parce que ça me semble un peu je préfère l'histoire à celle de Bisclavret qui est un peu trop laborieuse. Là pour le coup c'est l'histoire semble plus efficace que celle de Bisclavret. C'est presque une amélioration de l'histoire de Bisclavret, puis c'est une arthurianisation, donc pour nous c'est tout bénef. C'est tout bénef, mais il y a un cadre un peu plus, c'est à peu près, disons c'est la même histoire mais avec un petit peu de peut-être un peu plus élégante. Il y a quelques petits détails aussi, par exemple quand il est en Irlande il se met à chasser les animaux du roi, donc du père de son ex-épouse, et il devient ami avec une équipe de loups, en fait avec une bande de loups. Et c'est vraiment la différence aussi avec Bisclavret. Bisclavret est un loup-garou à proprement parler, c'est-à-dire c'est une bête un peu entre l'homme et l'animal, alors que Mélion se change en loup tout simplement. Il y a l'idée que c'est plus un enchanteur ou c'est plus féerique que vraiment ce côté mutant qu'on a chez Marie de France. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi c'est vraiment le fait qu'on y rajoute des gens comme Hilder, Gauvain, et qu'on exploite un peu les personnages, et Gauvain qui est le bro chevaleresque dit non mais il nous est tellement fidèle ce loup qu'il doit être l'un de nos chevaliers ou quelque chose comme ça. C'est très et puis alors, quand Arthur s'apprête à utiliser l'anneau qu'il a pris à la dame pour changer l'homme en loup dans tout le monde, Gauvain très prévenant dit non mais amenons-le dans une chambre à part, parce qu'il va revenir nu, donc on va le mettre dans une chambre à part pour qu'il ait pas la honte de se rechanger en homme devant tout le monde. Ce qui était le même motif que le Bisclavret, où il laissait le Bisclavret, c'était presque plus comique parce qu'il laissait le loup avec une pile de vêtements dans une chambre. Non, peut-être qu'il va réussir à sa vie. Alors que là non, pour le coup le roi Arthur le touche, puis après il lui met directement un manteau dessus dans une chambre à part. Et ce que j'aime beaucoup, la conclusion, c'est vraiment qu'il refuse, il refuse de reprendre sa femme, donc Mélion, il l'aurait même condamné au bûcher ou à la pendaison. Il dit « Ya ne faudra que toute sa femme qu'era, quand la fin ne soit mal baillie, ne doit pas croire tout ça s'existe. » Donc c'est inévitable, celui qui croit sa femme aveuglément finira par devenir sa victime. On ne doit pas croire tout ce qu'une femme dit. Et la fin, c'est littéralement « Vrai est l'ilet de Mélion, se disent bien toutes les barons. » Donc tous les barons, tous les seigneurs disent que le lait de Mélion dit vrai. Et le lait de Mélion, du coup, original, peut-être que ce texte lyrique était juste un truc sur vraiment la fidélité des femmes, etc. Encore plus misogyne. ce qui semble être la base. Donc on voit autour de Marie de France, on a des laits qui vont reprendre ces textes en les altérant, en changeant, en ajoutant, en enlevant des éléments arthuriens. Ça circule beaucoup, mais on reste dans des caractéristiques assez similaires. Il y a vraiment ce côté fantastique un peu de l'immersion d'un merveilleux un peu qui semble être assez fortement lié à une tradition celte ou voire une tradition même gaélique. Certains voient vraiment directement une origine gaélique qui aurait été transmise après aux Bretons et de là aux Français de la cour d'Angleterre. Et il y a vraiment cet intérêt pour le monde celte qui est finalement en déshérence à l'époque, parce que le monde celte, disons, il est plus très actif. Même le pays de Galles a été progressivement envahi par les Bretons, par les Normands. Il y a plus vraiment qu'en Bretagne continentale, et encore, il y a pas vraiment une grosse culture. Et c'est là que ça va être repris par ces cours. On va se faire tuer par des Bretons, Antoine. Tu peux pas dire ça comme ça. Non, mais disons, on n'est pas non plus dans une époque où la culture celte est plus forte. Elle est clairement pas au plus fort. Et même la Bretagne, enfin, c'est des seigneurs français qui prennent le pouvoir. Je veux dire, il y a pas une culture bretonne très vivante à l'époque à cause des invasions, notamment normandes, de l'Angleterre et du Pays de Galles. Peut-être que justement ces éléments trouvent un intérêt dans la recherche des Plantagenêtes de cultiver justement leur lien avec cette Bretagne arthurienne qui est elle-même anti-anglaise finalement. Alors, je vous renvoie à un chapitre de Martin Orwell dans La Légende du Roi Arthur où il parle justement de ce qu'il appelle l'idéologie Plantagenêt, puis il se pose la question justement de dans quelle mesure est-ce qu'on peut trouver, pour parler grossièrement, dans quelle mesure certains de ces textes sont de la propagande Plantagenêt. Et parfois, oui, il se prononce un peu sur différents cas, mais c'est vrai qu'il y a clairement quelque chose, c'est clairement un contexte à creuser. Clairement le cas chez Wasse, par exemple. C'est clairement le cas chez Wasse, mais c'est un peu difficile. Ce qui rend difficile ce genre de discussion, notamment pour ces textes-là, c'est qu'ils sont très difficiles à dater aussi. Oui, c'est ça. Donc on n'est pas toujours. On peut essayer de théoriser, de l'attribuer à un roi ou à un contexte politique, mais c'est toujours un peu difficile. L'avantage de parler de théorie plantagenèse, c'est qu'on a des plantagenèses jusqu'à peu près à la moitié du XIIIe siècle. Donc on prend pas de risques. On prend pas trop de risques, en fait, entre Henri II puis jusqu'à Henri III. Donc non, le lait de Mélion, en tout cas, est une illustration du processus inverse qu'on a vu avec Graalant, qui était une désarthurianisation d'un personnage arthurien par arthurien. Là, c'est vraiment on rajoute Arthur dans un texte et on le fait. D'ailleurs, Mélion, c'est un nom arthurien aussi. On en retrouve dans plusieurs romans qu'on a vus. Les Mélions d'Ulysse et compagnie. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. On peut faire une petite pause musicale. On peut écouter Day One. C'est un album que j'écoute depuis un moment, que j'ai trouvé sur Bandcamp. Quelqu'un l'a partagé sur les internets. C'est un album de Roura qui s'appelle In Praise of Home. Donc, je vous propose qu'on écoute Day One. C'est très celtisant avec de la cornemuse, des violons et tout ça. Thank you. J'ai tué ton père. Non, je déconne, c'est une autopromo pour un podcast. Un vendredi sur deux en direct dès 21h sur RadioKawa.com, je vous retrouve accompagné d'une ribambelle de chroniqueurs. Super sympa. Leur job, c'est de parler de ce qu'ils veulent comme ils le veulent pendant environ 8 à 10 minutes. Mon travail à moi, c'est de les quizer. À chaque épisode, ils doivent participer à une épreuve inédite. Et en fin de saison, celle ou celui qui aura le plus de points gagnera quelque chose. C'est le meilleur podcast de l'histoire de l'humanité. Et c'est un vendredi soir sur deux, dès 21h sur Radio Kawa. C'est complètement nawak. Car en fait, c'est ta mère que j'ai tuée. Et ton cousin. Et sa sœur. Et son grand-père. Il est quelle heure ? Radio Kawa. C'était Day One de Roura, et maintenant on va vous parler d'autres laits où le thème que vous avez peut-être remarqué, on parle un peu du merveilleux, du féerique celtique, les parallèles avec l'Irlande, etc. Mais une énorme caractéristique des laits, qu'on voit en tout cas dans ceux qui nous sont parvenus, c'est la discussion des relations entre les sexes, entre les hommes et les femmes, et l'idéologie courtoise, si on veut, qu'on peut trouver. Donc là, on avait vu chez Mélion, justement, on disait « Oh non, les femmes, faut pas leur faire confiance, machin ». Là, on va en voir un qui parle aussi de ce thème-là, donc de l'infidélité féminine, un thème assez évidemment misogyne, qu'on a vu déjà plusieurs fois, avec plus ou moins de sympathie, ça dépend un peu du contexte. Ils sont attribués, le lait du corps est attribué à Robert Biquet. Le corps est en l'occurrence une espèce de corne magique couverte de pierres précieuses qui est amenée à la cour d'Arthur, et les gens doivent boire dedans, parce que Arthur accepte le cadeau à condition que tout le monde doit boire dedans, mais le catch, si on veut, l'astuce, c'est que en fait, si vous êtes dans une, si votre femme vous trompe, vous allez en mettre partout quand vous essayez de boire dedans. C'est-à-dire que vous allez essayer de prendre une gorgée, vous allez vous foutre du vin partout. Et il y en a généralement, donc c'est le thème du test de chasteté. Le lait du courmantel, c'est la même chose, mais cette fois-ci, c'est au lieu des hommes qui boivent, c'est les femmes qui doivent essayer un manteau. Et le manteau ne va à personne, donc ils laissent une partie de leur corps apparent, ils leur montrent le dos, ils tombent complètement devant, ils traînent par terre. Donc de façon assez magique, il va pas bien aux femmes. Et il y a des commentaires un peu cryptiques de queue qui sont dans certains manuscrits un peu censurés, qui laissent entendre que le lait révèle d'ailleurs des précisions un peu scabreuses sur quelles infidélités est-ce que la dame a commis. Voilà, il y en a qui... Le manteau révèle le cul de quelqu'un, bah voilà, on fait un jeu de mots avec le postérieur révélé, etc. Le postérieur révélé, probablement, puis sous-entend... Il y a des gradations aussi, suivant ce qu'elle montre ou ce qu'il ne montre pas, l'infidélité est plus ou moins grande. Et le pitch dans les deux cas, c'est que c'est toujours Guenièvre qui essaie d'abord le manteau ou ou Arthur qui boit du corps dans le corps, disons, et qu'après c'est un peu pour montrer au c'est roi que à ce compte-là tout le monde est infidèle. Et il y a toujours des justifications de Guenièvre qui dit oui, non, mais c'est pas par rapport à quelqu'un de spécifique, j'ai donné un anneau une fois à quelqu'un parce que j'aurais bien aimé qu'il reste, puis du coup le corps pense que c'est de l'infidélité, mais... Oui, et puis il y a aussi l'idée que c'est pas seulement les, alors le manteau c'est plus les actes, mais pour le corps c'est aussi les idées infidèles, puis donc là il y a des gens qui disent mais on sait pas, tout le monde a des penser infidèle, c'est pas grave. Mais alors, c'est aussi assez violent, c'est-à-dire qu'Arthur apprend que sa femme est infidèle, puis là, je vais la tuer immédiatement. Oui, alors dans le corps, c'est frappant. La description, c'est littéralement le corps arrive et il boit, puis au moment où il arrive pas à boire, il sort son couteau, puis il le pointe vers la poitrine de Guenièvre, puis il y a genre trois chevaliers qui le retiennent. C'est super flippant. Sire, non. Alors, peut-être pour les parler des deux un peu distinctement d'abord, le lait du corps est attribué à un certain Robert Biquet. Et qui est raconte donc l'idée d'une fête qu'Arthur donne à Carlion le jour de la Pentecôte, une fête fastueuse, donc 30 000 chevaliers, des rois de partout, et puis arrive un corps d'ivoire ciselé avec des gemmes serties, des périls, des sardouennes, des calcédoines, il y a un grand anneau d'argent autour et des petits grelots d'or qui sont pendus, et on nous dit que ça a été fabriqué à l'époque de Constantin, donc c'est un corps byzantin visiblement, qui a été fabriqué par une fée. Et il nous dit justement qu'il secoue le corps et la musique est merveilleuse, personne n'a jamais entendu une musique aussi doucereuse ou aussi belle, elle captive les gens, donc il a l'air vraiment magique avant même qu'on sache ce qu'il fait. Et alors le chevalier en fait amène, c'est pas un chevalier, c'est un messager, un écuyer qui amène ce corps de la part du roi de Morène, qui est un ami d'Arthur, et qu'on ne t'en tienne pas gré au roi pour l'avoir amené le corps, puis alors personne ne comprend vraiment. Et alors le roi demande au jeune homme de s'asseoir, de manger avec eux, puis il dit qu'il l'adoubera, pour le remercier. Alors le roi, le jeune homme, c'est ce qu'il vient un peu dire, oui, vous m'adorerez plus tard. On sent qu'il sent que ça va mal se passer. Et on comprend pas tout de suite à quoi sert le corps, mais dessus, il y a des lettres qui sont écrites, enfin, qui sont ciselées dans l'argent. Et le roi Arthur fait appeler son chambellan pour qu'il l'amène au chapelain, parce qu'Arthur ne sait pas lire, ce qui est assez logique. Beaucoup de rois à l'époque ne savaient pas lire. Hein. Il y a trois degrés de la hiérarchie intellectuelle qui doivent être amenés pour trouver un type qui sait lire, tu sais, le chambellan, puis après, oula, le chapelain. Alors, non, il pense pas que son chambellan va savoir lire, il pense que le chambellan peut l'amener au chapelain, disons. Et alors, le chapelain dit, oh, ouais, je veux bien vous lire ce qui est dessus, mais de ce que je vois, je devrais pas vous le lire en public. Donc, vous voulez pas qu'on le lise en privé? Puis il dit, non, dis-le à tout le monde, ça ne sera pas tenu secret, tout le monde attend de savoir ce qui est marqué dessus. Et alors, il dit, bon, si vous voulez, mais vous me blâmerez pas après. Et alors sur l'écrit, il est marqué le blond Mango de Morène vous fait savoir ceci. Ce corps a été fabriqué par une fée railleuse et colérique. Elle lui conféra un pouvoir fatal. Tout homme, sage ou fou, sera dans l'incapacité d'y voir s'il est cocu ou jaloux, ou s'il a une femme qui a éprouvé une attirance insensée pour un autre que lui. Donc on le voit, comme tu l'as dit, c'est dans le désir aussi, mais surtout jaloux, à moins que ça ait un sens plus particulier en ancien français, ce serait une bonne piste d'esquive pourtant pour tous ces mecs qui disent oh, c'est pas vrai que ma femme est cocu, c'est que je suis un peu jaloux. Je pense que ça doit avoir cette connotation effectivement, qui s'il est jaloux, c'est qu'il a des bonnes raisons, quoi. Mais c'est vraiment, donc ça va être le test qui est imposé aux hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que la différence entre les deux récits, c'est que le lait du corps, même si dans les deux cas c'est à cause des femmes que c'est l'infidélité des femmes qui est révélée, le lait du corps met plus la blague sur les hommes. Alors que dans le manteau montaillé, ou dans le court mental, suivant comment on l'appelle, c'est vraiment les femmes qui sont ridiculisées directement. Là, dans le lait du corps, quand on annonce ça, toutes les femmes se penchent un peu la tête, puis sont là, ok. Mais vu que c'est les hommes qui essayent, que les hommes sont sûrs que leurs femmes sont absolument fidèles, c'est plutôt sur les hommes que la blague est, en fait, ouais, dans l'histoire de Robert Bickett. Alors que dans la version du manteau montaillé, on va le voir, c'est plutôt les femmes qui sont les dindons de la farce, enfin les dindes de la farce, plutôt exactement. Donc du coup, elle s'adresse des sourires polis, et puis elle se dit justement, le récit nous dit, même la reine entend la tête incline, entre toutes les barondes, entourées environ, qui les femmes avouées, dont ils se reconnaissaient. On nous avait précisé qu'ils avaient amené à la fête, tout le monde était accompagné d'une femme, donc que ce soit leur dame, leur amie. Alors il y en a qui viennent avec leur sœur ou leur cousine, bon, c'est comme venir avec ton cousin là, on va le diplômer, j'ai l'impression, la variante américaine. Et elles se font des... Et ça, c'est rigolo, c'est que les pucelles gabèrent, entre elles chifflèrent, regardant leurs amis si l'or font cruteris, dites, or, oui, verrez, les jaloux éprouverez, oui, verrez, les jaloux, les souffrances et les cousses. Donc, elles se rigolent entre elles, elles ont des sourires polis en disant, ah, c'est maintenant qu'on va voir les jaloux mis à l'épreuve, les jaloux, les complaisants et les cocus. Donc, du coup, il y a plutôt l'angle que c'est les hommes qui vont être ridiculisés dans l'affaire. Et les dames en elles-mêmes vont pas vraiment trop avoir à en souffrir. Même si du coup. À part si Arthur pense immédiatement tuer. Alors ça, c'est le pile de base. Mais dès que Queux a rempli le corps avec du vin et qu'il en a bu, tout le contenu est renversé, il est mouillé de la tête aux pieds. Et du coup, il s'écrit Enfule le roi Irès, dit Arthur, au répit. Donc tout va mal. Elle, un knivette, donc un canif, donc un couteau, le knife en anglais, ça vient du canif en français. Knivette ad pris, elle quer sous la poitrine, foot. Vous fait rire la reine, il veut frapper la reine. Quand le tolly Gauvin, Cadouin et Yvain, donc Gauvin, Cadouin et Yvain, le hôte, à eux trois, avec Girflet, il arrache le couteau des mains, il lui adresse des reproches, et il lui dit « Sire, ne faites pas le ruste, toute femme mariée a eu un jour ou l'autre des désirs d'infidélité, il n'est pas étonnant que le corps soit répandu, et répandu son contenu sur vous, tous les hommes mariés vont tenter l'essai et savoir s'il peut y boire. » Et donc ensuite, vous adresserez vos reproches à la reine. Puis la reine s'en précise pour dire non, mais mettez-moi au bûcher, les flammes m'épargneront. Donc ce motif du bûcher de Guenièvre qu'on retrouve aussi dans la mort d'Arthur, dans les morts d'Arthur, et qu'on retrouve évidemment dans le bûcher de Guenièvre dans les Tristans. Elle dit oui, j'ai offert un anneau à un jouvenceau qui avait réussi à tuer un géant qui avait insulté Gauvin, ou quelque chose comme ça. En tout bien tout honneur, exactement. Et donc du coup, tous les chevaliers commencent à boire. Il y a l'idée d'un nivellement par le bas. C'est vraiment, on commence, on voit que la reine est là, donc tout le monde se dit, bon, on va redescendre la tension en montrant que tout le monde est infidèle. Et puis à ce côté, liste un peu aussi, parce qu'on en profite pour lister tous les rois. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on cite les rois qui sont au servir d'Arthur, donc le roi Nout, Aguizel d'Écosse, Coert, Glovien, Cadouin, le roi Lot, Caraton, il y a un Caraton, qui n'est pas Caradoc, parce qu'on va voir, Caradoc existe indépendamment. Il y a deux rois d'Irlande qui sont aspergés. Tout le monde est. Tout le monde est couvert de vin. Et alors Arthur, qui au début était un peu, était vraiment fâché, mais pas au point de vouloir en vouloir à Mangon, parce qu'il avait promis de ne pas en vouloir à Mangon. La reine lui dit non, mais allez blâmer Mangon qui veut nous ridiculiser. Puis il dit non, je ne peux pas le blâmer lui. Et à la fin, il est finalement éclaté de rire et dit non, celui qui m'a offert ce corps m'a donné un gros cadeau. Je ne suis pas le seul à être couvert de ridicule. En gros, c'est un peu une manière de dédouaner Arthur de cette dame. Mais il y a un couple. Il pardonne à la reine. Mais il y a, dans ces thèses de chasteté, il y a un couple qui est épargné par le ridicule. Il y a généralement un couple qui réussit à boire et qui est fidèle l'un à l'autre. Et puis, en général, c'est Caradoc et sa femme, Guigné ou. On ne précise pas son nom dans la version dans le corps. Je crois que c'est la dame de Tyrion Chastar, la sœur du roi Galahal, dans la version de Robert Bickett. Alors, on nous dit, il y a ce côté vraiment bon vivant de Caradoc qui a peut-être inspiré justement... pas pour la fidélité de la femme de Caradoc, parce que du coup, c'est pas ça qui a inspiré Kaamelott, ça assez clairement. Mais il est grand et de belle corpulence, nous dit le corps. Donc, il est vraiment vaillant et courtois. On lui donne en bien Sir Anchester, on lui donne le corps qui vaut 100 livres. Et on fait régulièrement une fête ensuite à Sir Anchester pour montrer le corps tel qu'il a été prodigieux. C'est aussi intéressant parce que, il me semble, le récit de Caradoc dans la version de la première continuation de Perceval n'est pas aussi, disons, c'est pas aussi orienté sur la fidélité dans la famille de Caradoc. Sa mère était infidèle parce qu'elle couchait avec un enchanteur et qu'il est issu de ce mariage-là. Puis il le découvre justement immédiatement après le test de chasteté, en fait. Mais il y a l'idée justement que lui, contrairement à sa mère et à l'enchanteur, il est fidèle. Oui. Il est fidèle. Mais c'est un motif qui a été repris, donc on l'a dit dans la première continuation, ce qui est appelé le livre de Caradoc. Il a été repris dans le Lancelot Graal, où bien sûr il vient. Et à partir du Lancelot Graal, on a le motif où c'est Morgane qui va envoyer le corps, parce qu'elle veut justement révéler les intrigues de la cour, et puis elle veut révéler que Guenièvre est infidèle. Et puis dans le Tristan en prose, on l'a dit, il y a un moment où le corps est destiné à la cour d'Arthur, et puis il y a Dagenais, je crois, qui s'est fait battre par Tristan. Alors il intercepte le messager de Morgane, il envoie le corps à la cour de Romarc. Mais c'est assez... C'est un motif qui est vraiment intégré régulièrement dans les longs romans en prose et dans d'autres textes. Alors là, à la fin, le récit du corps se termine en disant « C'est ce que prétend... » Donc, Caradoc a composé un lait sur l'histoire. C'est là que vient le fait qu'on qualifie l'histoire du corps du lait. Et c'est ce que prétend Robert Bickett, qui s'y connaît en hablerie. Grâce au dire d'un abbé, il a composé ce conte qui rapporte comment le corps fut déposé à Carlion. Donc, en gros, l'idée, c'est que Robert Bickett... Se basant sur... Il y a quelqu'un qui aurait vu le corps qui aurait été conservé quelque part. Et puis on mentionne le fait qu'il y a un lait qui a été écrit aussi, même si c'est pas celui qui est à l'origine nécessairement du récit. Donc il y a vraiment cette histoire qui là semble être effectivement plus orientée sur la honte personnelle des chevaliers ou des rois qui sont affectés, qui finalement... où finalement on dit, il semble pas exactement, même les, c'est ça le truc qui est un peu curieux, l'idée de l'anneau de la reine, est-ce qu'on comprend que c'est Lancelot, l'homme qui a tué le géant, qui avait insulté Gauvin, c'est pas très, très très clair, et aussi le fait que l'échappatoire de, même, c'est pas vraiment que ce soit des actions, ça peut être simplement le désir qui cause la projection de liquide partout. C'est une espèce d'échappatoire et la cour finalement en sorte bon c'est plutôt c'est un peu women be like that la morale un peu misogyne mais clairement pas aussi misogyne que justement le récit du manteau motaillé. Je voudrais dire encore un mot avant qu'on passe au manteau motaillé sur le lait du corps, c'est qu'il est contenu dans le manuscrit Digby 86. C'est l'unique texte arthurien dans ce manuscrit où il est. Qui justement, comme le dit Béatrice Barbery, on pourrait donc avancer l'hypothèse que la présence de ce texte dans le manuscrit est plutôt due à l'intérêt du rédacteur pour le thème des femmes qu'au contenu arthurien en soi. On a déjà remarqué qu'il était très proche de certains fabliaux, puis justement dans le manuscrit où il est conservé, c'est plutôt pour ce thème-là, donc sur la gauderie et l'infidélité des femmes, qu'il a été apparemment choisi. Justement, il y a des lais plus tardifs, les Perviers aussi par exemple, dont on ne va pas parler, mais qui sont aussi comme ça, qui vont être moins dans cette orientation justement Finamore, ou bien Amante fantastique, ou bien Irruption du merveilleux, et qui vont être presque plus des fabliaux justement, ou des histoires un peu salaces, ou voire des histoires un peu gore, comme le lait d'Ignoré par exemple, où il y a un chevalier qui couche avec trop de femmes, et donc du coup les maris de la femme, des femmes en question, l'émasculent, le coupent en morceaux et le font manger à leurs femmes. Il y a des histoires vraiment plus orientées sur les escapades sexuelles ou la sexualité. C'est pas simplement des histoires un peu romantiques ou romanesques avec des fées et des princesses et des chevaliers merveilleux. Loin de là, les laisses. ce que les Léons commencent, plus que leur, vraiment, leur contenu ou leur histoire, c'est vraiment ce côté « on a fait un lait de cette aventure et nous, on vous raconte l'aventure qui a donné naissance au lait, en fait ». À propos d'aventure, justement, on peut passer à la deuxième dont on vous parlait, le court manteau ou le court mantel. Alors, il y a différents titres hein, aussi, le manteau mot taillé, parfois le manteau mal taillé, qui est peut-être un peu plus approprié, même s'il n'est pas nécessairement mal taillé. C'est un manteau qui, on va le voir, est tout à fait, c'est tout à fait exprès, le fait qu'il soit mal taillé. Là, on nous dit de nouveau que c'est une cour d'Arthur à la Pentecôte, et qu'il y a de nouveau des tas de damoiselles qui sont magnifiquement habillées. Là, on met l'emphase justement sur l'habillement. Des demoiselles parce que bah, justement que tout le monde est bien habillé parce que le thème ça va être justement un habit merveilleux et c'est là qu'un jour alors au moment où on va faire la fête après l'office on a la table qui est mise et là on a le motif habituel d'Arthur qui refuse de manger tant qu'une merveille n'est pas arrivée alors là c'est ça c'est extrêmement classique c'est extrêmement c'est partout vraiment dans la littérature arthurienne et là arrive un jeune homme au galop. Et puis, alors Gauvin, il le voit, il dit « Ah, on va pouvoir manger !» Il y a un homme qui arrive, quoi qu'il arrive, ça va être fantastique. Et il ôte son manteau, on voit qu'il est vraiment très bien habillé, qu'il est un magnifique jeune homme. Il y a un peu l'idée qu'il est un peu féerique, comme ça, je pense, plus que dans la version du corps. C'est un beau jeune homme. Il demande à Queux de lui montrer le roi Arthur, et le roi Arthur arrive, vient et lui demande, en fait, de l'écouter. Il arrive de la part d'une jeune fille d'un pays très lointain. Donc, est-ce que c'est une fée ou il y a le côté plus directement féerique de la donatrice. Et ensuite, il veut faire une. Il dit qu'il ne va pas révéler qui que ce soit tant que le don n'aura pas été accepté et que la demande de la jeune femme n'aura pas été accordée. Mais il précise une chose : jamais je ne chercherai par ce don à vous outrager, à vous avilir, ni à vous léser. Bien sûr. Et alors Gauvin, évidemment, mais bien sûr, donc si le don n'est pas destiné à nous avilir ou à nous vilainir, on ne peut pas le refuser, ça va être fortement tout simple. Et donc tout le monde dit oui, bien sûr, c'est parfaitement logique, on va accepter le don. Et donc le jeune homme sort un manteau d'une aumônière qui avait été réalisé par une fée, et qui, on nous dit que la fée a donné, comme pour le corps, au tissu la vérité, la vertu de révéler les femmes infidèles. Enfilé par une dame qui aura trompé son mari, ce manteau ne lui ira pas. Il en sera de même pour les jeunes filles, donc les jeunes filles qui ont, donc les dames mariées, les jeunes filles non mariées, celles qui n'ont pas été fidèles à leur bonne amie, le manteau ne sera pas saillant, il sera trop long ou trop court. Donc il raconte toute l'histoire et il dit, maintenant, ce que demande ma maîtresse, c'est que toutes les femmes ici essayent ce manteau. Et Gauvin dit, bien sûr, amenez la reine, allons-y, tout de suite. et donc tout le monde... Gauvin, effectivement, est ordonné par le roi d'amener la reine, et on dit « personne ne va y couper, il faut respecter le don, tout le monde doit l'essayer. » On bloque les sorties, tout le monde est là genre hein. « on va pas manger tout de suite, finalement. » Et puis la dame apprend la chose, puis elle est... elle dit « Ah, une dame nous a amené ce manteau, vous devriez l'essayer, toutes les femmes vont devoir l'essayer. » Mais il ne lui dit pas. Il dit pas ce que ça va révéler, parce que du coup, il dit « Si on lui révélait que... » Que si on lui disait ce que ferait le manteau, la reine aurait préféré le jeter au feu directement. Mais justement, c'est peut-être aussi pour ça que le messager est un peu plus féerique, parce que le manteau doit avoir l'air anodin pour que les gens se méfient pas. Exactement. Et donc du coup, elle enfile le manteau, mais il est trop court, il lui arrive à peine à la hauteur de ses souliers, donc à la hauteur de ses chausses, et son regard, elle semble comprendre en fait ce qui est sous-entendu. Parce que le manteau a l'air tout à fait normal de l'extérieur, il raccourcit vraiment quand on le met. Et donc, Yvain dit oh, il me semble qu'il est juste pas assez long pour vous, si on lui enlevait encore la hauteur d'un jonc, ça irait juste pas assez. Genre, c'est pas. Comme pour essayer de diminuer la chose. Mais regardez, cette demoiselle-là, à votre droite, possède la même taille que vous, ni plus ni moins, c'est l'ami de Thor, le fils d'Arès. Donnez-lui le manteau et on pourra juger si elle peut. Si vous pourrez juger en regardant sur elle. Et alors, du coup, la jeune fille prend le manteau. Mais il raccourcit encore plus sur elle que sur la reine. Et du coup, Queux dit « Voilà qui s'appelle rétrécir vite. Pourtant, cela fait pas longtemps qu'il est porté. » Sous-entendu, bah voilà, tu l'as trop lavé. Il y a Queux qui joue vraiment le rôle de maître de cérémonie parce qu'en fait, on apprend que son ami est infidèle. Puis à partir de là, il va commencer à rassembler les amis infidèles sur un banc puis les amener les unes après les autres. Il y a le côté très MC qui va côté très, vraiment... Je vous amène de la compatible, vous n'en voulez pas. Puis tout le monde est là genre « Queux, arrêtez !» Enfin, Queux est d'abord disgracié par ça, puis après, il s'amuse beaucoup. Donc du coup, la reine dit « Mais il est pas un peu plus plus long sur moi que sur elle. Puis, que dit dame ? Vous êtes un peu plus loyale que la demoiselle, mais de très peu. En fait, je me suis mal exprimé. Vous n'êtes pas plus loyale qu'elle, mais il y a moins de bassesse en vous. Genre, vraiment, super méchant. Mais après, juste après ce premier incident, effectivement, elle demande à Que de lui dire la vérité, puis Que révèle que effectivement, c'est le messager qui a amené le manteau et que c'est une fée qui l'a créé, que ce qu'elle avait tramé dans le manteau était justement un sortilège qui révélerait ça. Et puis la reine est très en colère, mais elle se dit bon, si je me mettais trop en colère, on va comprendre que c'est vraiment, je suis vraiment allé trop loin. Donc elle dira ah, bon, il faudrait que d'autres dames l'essayent. Et là, pour le coup, Arthur ne réagit pas au quart de tour comme avec le corps, parce que ce qui semble être justement l'emphase dans cela, c'est vraiment plus la honte par rapport aux dames que par rapport au chevalier. Le versant dans le du corps, c'est que bah, c'était une offense immédiate pour le chevalier qui était victime de cette coupe qui les aspergeait, alors que là, c'est moins directement eux qui sont offensés, c'est plutôt les dames qui sont ridiculisées dans celui-ci. Donc les dames vont toutes essayer le manteau, et alors on va nous faire une liste, et comme tu l'as dit, que va mener la cérémonie, et toutes les demoiselles vont vraiment avoir soit ça va être trop court, ça va être trop long, ça va révéler leurs fesses, ça va révéler ça va traîner derrière elles n'importe comment. Alors au bout d'un moment c'est Bédiver, Bédoyer qui dit on va peut-être faire essayer à l'ami de Monseigneur Gauvin, la courtoise Vénélas, parce que sûrement elle, ça lui irait. Et Gauvin est un peu vexé parce qu'on lui dit il a peu veillé sur l'honneur de son ami, parce que probablement parce que Gauvin est trop occupé à coucher avec toutes les femmes qu'il s'en fiche un petit peu de l'honneur de son ami, je sais pas. Mais c'est vraiment très très drôle. Il y a vraiment et pour elle, pour le coup, ce qui se passe, c'est que ça, les pans se rétrécissent pas à la même vitesse. Et donc on nous dit le pan droit s'allonge, le pan droit se lève et découvre le genou, alors que le pan gauche se déplie tout autour du manteau. Et Que est très très drôle parce qu'il lui il pensait qu'il y avait pas une dame plus loyale que Vénélas, puis il est enchanté de voir les deux pans rétrécir et s'agrandir respectivement. Et c'est vraiment c'est vraiment ce côté de Que qu'ils en profitent pour se moquer de tous les chevaliers. Là il dit ah bah un pan, donc c'est seulement le matin qu'elle a dû être infidèle. Ouais. Enfin, quelque chose comme donc, ça. Que devient une espèce de. Il essaie de faire une espèce d'interprétation. Puis il y a dans certains manuscrits, il y a des commentaires qui ont été apparemment un peu censurés. Donc il y en a qui sont pas toujours faciles à comprendre, mais qui sont probablement très gris, voilà, genre, ah ouais, ça lui monte, ça lui découvre les fesses, donc c'est probablement que elle a couché en prenant par derrière. Il y a probablement une dimension vraiment scabreuse dans certaines des versions de cette histoire qui ont dû circuler. Oui, bah, d'autant plus arrivé que la demoiselle qui a essayé juste avant l'ami de Gauvin, c'est son ami à lui, en fait, qui est la première, à part la reine et sa compagne qui l'a essayé, parce que lui, il pensait qu'il n'y avait aucune chance qu'elle soit aussi infidèle que la reine. Bah non, pour le coup. Et après, d'ailleurs, l'ami de Gauvin, c'est l'ami. Et là, il y a un motif intéressant que tu as relevé, c'est que c'est l'ami divin qui essaye. Et on décrit Yvain, fils du roi Irien, comme. Je ne sais plus le mot exact, c'était. Alors, le Monseigneur Yvain, qui au roi Irien fut fille, le pro-chevalier, le gentil, qui tant aima chiens et oiseaux. Donc, le pro-chevalier Yvain, qui était le fils du roi Irien, qui tant aimait les chiens et les oiseaux. Et ce lien avec les chiens et les oiseaux, ça fait peut-être référence. Bon, déjà, les chiens, on peut penser que c'est un rapport avec le lion du chevalier au lion, c'est-à-dire que bah, il a un fauve ou un bestiau qui l'accompagne. Mais les oiseaux ont l'air d'être liés au personnage de Yvain. Déjà, dans le Brodo du Hronabui, qu'on avait traité dans notre 12e épisode, le rêve de Hronabui, qui était ce rêve où quelqu'un voyageait en rêve à l'époque du roi Arthur, et qui avait un côté très satirique. Bah dans celui-là, on avait que Owain se jouait aux échecs contre Arthur, et il avait une armée d'oiseaux, un peu des oiseaux dressés qui apparemment venaient attaquer Arthur pour le distraire pendant qu'il jouait aux échecs. Donc Owain est lié aux oiseaux. Puis dans le Perceval en prose, on vous disait qu'un des notre 9e épisode, RQRF 9, il y avait un épisode qui n'était pas contenu dans la seconde continuation, c'est Perceval qui arrive à un guet qui est défendu par un certain Urien, qui s'appelle donc comme le père divin, et qui là est l'amant d'une fée, et Perceval se fait attaquer justement par toutes ces femmes féeriques qui apparemment peuvent se changer en oiseaux, et donc une horde d'oiseaux qui apparemment défend ce certain Urien. Donc là, il y a peut-être aussi dans ce lait une espèce de trace du lien de Yvain avec les oiseaux. Yvain donc est évidemment victime, enfin l'ami d'Urien est victime du manteau comme toutes les autres. Enfin, on va pas vous faire la liste de toutes les dames qui sont infectées, mais effectivement, il y a l'ami de Girflay, il y a l'ami d'Ider, il y a l'ami de tout vraiment les chevaliers. On a vraiment une liste, et puis chaque fois, c'est les personnages ont un petit riff sur quel genre de personnes ils sont. Alors, par exemple, Girflay est décrit comme étant cruel, et je sais plus ce que dit le texte, c'est qu'il est vraiment quelqu'un de perfide et cruel, selon le texte, par exemple. Et au final, tous les chevaliers vont finir par être un peu victimes de ça. Et chaque fois, donc, les dames se révèlent être infidèles. Et puis, il reste encore une demoiselle qui manque. On nous dit qu'il n'y a pas encore tout le monde qui a essayé. Et Girflet est envoyé chercher... Si quelqu'un est encore resté derrière, c'est caché. Si quelqu'un s'est caché. Et il trouve une demoiselle qui ne s'était pas cachée, mais qui était simplement restée au lit parce qu'elle s'était sentie mal. Alors, Girflet, il faut dire venez, vous devez. Il y a une aventure qui vient d'arriver, vous devez prendre part à cette aventure comme toutes les autres dames. Et elle dit bien sûr, je m'habille juste et puis je vous rejoins. Donc elle arrive dans la salle. Et puis, l'ami de la dame. Se fâche quand il la voit arriver parce qu'il dit ouf, elle est absente, ça va aller. Il était fou amoureux d'elle et elle ne voulait absolument pas savoir, il voulait absolument pas savoir si elle avait eu quoi que ce soit, il n'aurait pas voulu perdre la joie de vivre. Son nom était Caradoc Petit Bras, donc Caradoc Brave Bras. Et alors le messager apporte le manteau, il révèle à l'ami de Caradoc la trame du vêtement. Caradoc a le queue brisé. Et il lui dit, ma douce amie, n'enfilez pas ce manteau si vous avez la moindre crainte. Je vous aime si tendrement, je ne voudrais pour rien au monde apprendre un méfait que vous auriez commis. Je préfère rester dans le doute, même pour tout le royaume de France. Je préférerais la mort à la vie si l'on vous faisait s'asseoir là où se trouve l'ami de Gauvin. Et le sénéchal Q répond avec sa félonie et sa perfidie habituelle, nous dit le lait. Ne serait-ce pas plutôt une grande source de joie? Vous serez très en colère puisque vous l'aimez si tendrement. En voici plus d'une centaine, donc il y en a 100 dames qui ont essayé le manteau, qui sont assises là et que l'on croyait encore ce matin plus pures que leur fin. Regardez-les toutes sagement assises en rang pour avoir perpétré leur forfait. Et donc du coup... La demoiselle répond, c'est signe que la malchance échoue à plus d'un homme de bien, mais je ne dois pas me vanter de pouvoir les surpasser toutes en loyauté et en mérite, même si cela doit déplaire à mon mari, j'essaierai le manteau. Et les chevaliers disent, de toute façon, vous n'avez pas la possibilité d'y échapper. Donc, peu importe que vous vouliez ou non. Alors, elle veut quand même pas... mais vu qu'elle est tellement fidèle, elle refuse d'enfiler le manteau tant que Caradoc ne lui permet pas. On est toujours très misogyne, vous réalisez ça. Caradoc, bien malgré lui, est obligé de lui accorder la permission. Elle le prie, elle l'enfile, et il se révèle ni trop court ni trop long, il arrive au ras du sol exactement comme il fallait. À mon avis, on a bien fait d'aller chercher cette jeune personne, dit le messager. Demoiselle, votre ami doit être le plus heureux qui soit, sachez en vérité que j'ai apporté ce manteau dans bien des cours et plus de 100 femmes l'ont essayé, je n'ai jamais vu de ma vie... qu'il est innocenté une seule personne de tous mes faits au Vilni, à l'exception de vous seul. Je vous fais donc don de ce vêtement, il vaut son pesant d'or et vous le méritez bien. Donc, évidemment, le roi remet le manteau à la demoiselle, elle lui revient de droit. Aucun chevalier, ni baron, ni demoiselle ne le lui dispute, malgré la grande jalousie qui étouffe certains, car elle l'emporte sous leurs yeux. Et Monseigneur Gauvin dit, ma demoiselle, je prends tout le monde à témoin, vous ne devez cette récompense qu'à votre loyauté. Tous ceux qui la constatent vous la reconnaissent et vous en font crédit. Ils n'auraient pas manqué de la contester s'ils avaient perçu le moindre signe infamant vous empêchant de l'obtenir. Donc, il y a vraiment l'idée que même si quelqu'un savait ou avait un moindre doute, ils auraient dit, attendez, ça marche pas, je l'ai vu embrasser tel chevalier dans la cuisine l'autre jour. Non, là vraiment, c'est elle est pure au-delà de tout soupçon. Ça se donne aussi pour la mentalité médiévale, le côté genre, écoutez, cette histoire d'une aventure fantastique, puis genre la créature mythologique, c'est une femme fidèle. c'est incroyable. Une femme fidèle. C'est ça, c'est très women be cheating. Donc du coup, le messager prend congé tout de suite, il veut pas s'attarder, il veut même pas rester pour manger, et beaucoup des chevaliers s'assoient avec dépit et leur colère un peu en train de s'étouffant dessus, mais sur le repas le rédacteur du lait ne veut pas s'attarder sauf pour souligner l'extrême qualité du service. On sent quelqu'un qui est attaché à un travail bien fait. C'est peut-être aussi que l'ambiance n'était pas au plus joli, alors ouais. Alors, il y a juste des assiettes qui mettent silence de mort, un service parfait dans un silence mortel. Plus d'asperges. Non, c'est vraiment ça, c'est l'image mentale du service de qualité absolument exceptionnelle. C'est vraiment le... Oh non, bien sûr, la nourriture était dégueulasse, l'ambiance pourrie. Oh, mais quel bon serveur. Bon, après, tu sais ce qu'on dit sur Caradoc, bref bras, tu sais ce qu'on dit, Antoine. Petit bras... petit couvert. Petit couvert. Donc du coup, pardon... Caradoc prend congé après le repas, s'en retourne dans son pays, et le manteau, un peu comme le corps, est déposé dans une abbaye. Alors là, c'est au Pays de Galles, où on l'a retrouvé récemment, et le rédacteur du lait nous dit « Je connais parfaitement la personne qui le possède et qui la portera partout, si on veut, à l'attention des dames et demoiselles. Seigneur, avertissez-les. Il faudra qu'elle l'essaye. Je sais pertinemment qu'il sera inusable, mais je me nuirais à moi-même si je leur ferais ce cadeau. Elle me haïrait tout le temps, et cela pourrait tourner bien mal pour moi si je leur faisais des reproches pour rien. Il convient donc que j'évite cette solution pour mon profit et pour le leur. » D'ailleurs, aujourd'hui, la bonne réputation triomphe. Quoi qu'il ait pu arriver dans le passé, c'est à cause du mal commis jadis qu'on continue d'entendre des reproches. Donc, peut-être référence à péché originel, je pense, là, un peu discrète. Puisse Dieu ne jamais servir de garant à celui qui ne dira que du bien d'elle sans avoir au préalable de bonnes raisons pour le faire. De nouveau, la conclusion un peu misogyne, dire du bien des femmes, d'accord, mais seulement si elles sont vraiment parfaitement pures, hein, attention. Il y a vraiment ce côté plus noir par rapport aux femmes dans le cours mental, je trouve. On met plus l'emphase vraiment sur la noirceur, sur le côté vraiment... les actions traîtres, même si pour le coup on est moins directement violent envers elles. Le lait du corps semble peut-être un peu plus souligner le statut vraiment de cocu des hommes, alors que là c'est vraiment les actions des femmes, et elles sont blâmées, elles sont ridiculisées par le vêtement en face de tout le monde. C'est deux textes qui sont parallèles mais qui sont pas exactement identiques, et il y a ce côté assez intéressant. Par contre, effectivement, on est plus loin du lait tel qu'on l'a vu jusque là, on est plus dans la merveille arthurienne standalone, certes, mais qui ressemble un peu à ce qu'on pourrait trouver effectivement, comme tu l'as dit, dans un roman ou dans un, que ce soit en vers ou en prose d'ailleurs. Donc deux histoires très similaires. Ça ferait des bons opéras, je trouve. Un bon opéra comique, t'imagines le... voilà, ouais. Tu pourrais avoir une série de chansons pour par chaque demoiselle qui chante son... Un opéra en un acte. Voilà, un divertissement à la Offenbach, ce serait très rigolo d'ailleurs. Est-ce qu'on fait une petite pause musicale là, ou tu veux encore parler du lait du trot qui ressemble un peu... Parlons vite du lait du trot. Alors le lait du trot, c'est l'histoire d'un chevalier de la cour d'Arthur qui affirme... c'est un chevalier dissident de la cour d'Arthur qui affirme que la table ronde est un état chevalier dégénéré. Le lait de trot, ou le lait du trot, en fait, ça vient de trotter, en fait, parce qu'on va croiser des dames. Désolé, c'était ma seule blague de cet épisode. Le chevalier de la deuxième internationale seulement. Quatrième internationale, pardon. Le chevalier de la quatrième table ronde. La table ronde dans un seul pays. Non, c'est vraiment la table ronde dans tous les pays, une table ronde par pays. Donc il s'agit d'un lait. Alors celui-là, il a été composé en... Il m'a fallu 2 secondes, mais après j'étais perdu. Le lait de trot a été probablement écrit entre 1180 et 1267. Ça, on arrive dans la datation du manuscrit. Probablement au début du XIIIe siècle, donc probablement entre 1200 et 1220. Parce qu'il va rencontrer des dames qui passent au trot. Le chevalier s'appelle Lorwes, de la cour du roi Arthur. Il vit au château de Morwes, donc peut-être c'est Moray en Écosse. Et un jour, il va dans la forêt pour entendre le chant du rossignol, mais il rencontre plutôt 8 ans de jeunes dames avec leurs amants sur des chevaux. Ces dames-là vont à l'amble, donc le rythme assez agréable du cheval, tranquillement, en train de rire et de discuter avec leurs amants. Puis 80 autres dames, 80 autres dames pour nos amis français métropolitains. Et donc après ces 160 dames avec leurs amants, ils voient un troisième groupe qui arrive qui comporte 100 femmes qui cette fois-ci sont seules. Elles trottent à travers la forêt, donc un rythme beaucoup plus échevelé et un peu plus désagréable. Leurs montures trottent et leurs montures ont des selles de paille, donc des selles un peu rustres comme ça. Lorway demande à l'une la signification de tout cela. Elle lui dit oui, les 160 premières dames, elles ont suivi les commandes de l'amour, les commandements d'amour, donc elles ont suivi les impératifs de l'amour comme il fallait, mais nous n'avons jamais connu, celles-là, elles n'ont jamais connu l'amour, et donc elles sont punies pour ça. Et elle lui intime, quand il rentre chez lui, d'avertir que c'est le sort des dames qui n'ont jamais connu l'amour, de les inciter à le connaître. Et il retourne chez lui pour raconter cette histoire, et puis bien sûr on en fait un lait. C'est un texte très court, il fait 300 vers, je crois 304 vers avec un petit prologue, une petite fin, mais basiquement c'est juste ça, il croise l'apparition dans la forêt de ces 160 femmes qui sont vraiment un peu richement vêtues, merveilleuses, etc. Il y a ce côté un peu une merveille quand on le voit dans le Perlesfos, dans la quête d'El Saint Graal. Voilà, les dames un peu, les dames misérables qui surtout sont les dames échevées, misérables, mais bon, ouais. Qui se font traîner dans la forêt, qui sont punies pour ça, parce que c'est vrai que c'est un motif qui peut-être est plus vieux, puis justement une origine courtoise de lait breton, etc., mais qui effectivement dans les romans plus tardifs comme la quête du Saint Graal, le Perlesfos et compagnie, c'est des gens qui sont punis généralement pour une faute morale ou un péché jadis, et qui doivent en faire pénitence. Mais là, c'est de nouveau, donc avec un angle très porté sur l'idéologie amoureuse du Moyen-Âge. Donc là, on a des dames qui ont une relation harmonieuse et très bien, puis les dames qui, elles, n'ont pas connu l'amour, qui sont punies. Donc très court, le lait du trot, mais qui est cette fois-ci explicitement arthurien. Cette fois-ci, je propose qu'on refasse une petite pause musicale. Mais oui, alors je vais suggérer, du coup, en hommage à un lait qui lui est perdu en français, mais qui subsiste en moyen anglais, c'est le Sir Orfeo, donc l'histoire d'Orphée, qui, alors contrairement à, je vous en dis deux mots parce qu'elle est rigolote, c'est très semblable à l'histoire d'Orphée, sauf que là, c'est complètement évémérisé. Orphée n'est pas le poète qu'on connaît, c'est vraiment un roi de quelque part en Grèce, il est fils de roi, et en fait, sa femme est prise alors qu'elle dort sous un arbre greffé, donc c'est un arbre qui est un ant, en fait, c'est un arbre qui est entre les deux mondes, parce qu'il est greffé, il est un peu irréel, et elle est emportée par le prince, d'une espèce de un prince fée, en fait, dans un royaume maléfique, et Orphée va aller parcourir à sa recherche, va jouer de la musique merveilleuse pour l'obtenir, et va la ramener chez elle, sauf que contrairement à la version d'Orphée qu'on connaît, où il se retourne et puis il perd son Eurydice, et il a perdu son Eurydice, là, pour le coup, Orphée revient avec sa femme dans le monde réel, et tout va bien, tout finit pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors, un autre Orphée pour qui tout va bien, ou tout finit bien en tout cas, c'est l'Orphée d'Offenbach, dont on écoute ici l'ouverture donc de l'Orphée aux Enfers. C'était donc l'ouverture d'Orphée aux Enfers d'Offenbach, interprétée par l'orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par Marc Minkowski. Et après cette petite parenthèse classique, disons, parce qu'on l'a vu, Delay s'inspire aussi parfois de la mythologie grecque gréco-romaine, ou de la littérature gréco-romaine, on va revenir à une matière plus arthurienne, avec notre dernier Delay qu'on va étudier aujourd'hui, qui est lui un Delay anonyme, qui est le Delay de Thiolet. Alors oui, alors il daterait de probablement du XIIIe siècle, on lui donne souvent une date très tôt parce qu'on le place parmi les inspirations de Perceval. Et donc s'il a effectivement, soit il a un prototype qui serait le même que l'histoire de Perceval, soit il l'a inspiré. Alors effectivement, s'il a inspiré Perceval, il daterait plutôt de la fin du XIIe siècle. Mais son manuscrit est de la fin du XIIIe siècle, le manuscrit de la Bibliothèque nationale française, manuscrit français 1104. Il a été édité par Gaston Paris. On ne va pas vous faire disons, toutes les éditions, mais Il est surtout important pour ça, en fait, parce qu'il a une trame narrative qui est à la fois très proche de celle de Perceval, donc le motif du fils de la veuve. C'est un jeune élevé dans la forêt par sa mère qui essaie de le préserver un peu du monde chevaleresque, mais il se fait rattraper et il finit par se lancer dans des aventures malgré le fait que sa mère n'a pas très envie. Et il est aussi croisé avec un conte type. Donc si vous prenez le Arne Thompson Uther Index, donc l'index des types de contes, il correspond au conte numéro 300 à 303, qui est le conte de magie. Ça se dit pas en français, en italien on a le terme Fabia di Magia, parce que c'est les contes numéro 300 et quelques. C'est vraiment ce qu'on entend par conte de fées, en fait, leur version populaire. Et le conte 300, en l'occurrence, c'est vraiment c'est le tueur de dragons ou le tueur de monstres, qui est vraiment, là en l'occurrence c'est pas un monstre, c'est une chasse merveilleuse, mais qui est un peu le type même du conte de magie. Donc l'histoire de Thiolet commence parce qu'il vit seul dans la forêt avec sa mère, comme Perceval, et il a appris d'une fée le pouvoir d'attirer tous les animaux à lui rien qu'en sifflant. Un jour, il voit un cerf, comme d'habitude blanc, et il siffle pour qu'il vienne, mais ça ne marche pas. Alors il le suit, il arrive au bord d'une rivière, et de l'autre côté, il voit un autre cerf. Alors le premier cerf traverse la rivière, Thiolet tue et dépèce le second, et pendant ce temps, le cerf, de l'autre côté de la rivière, s'est transfiguré, s'est transformé, et il est devenu un chevalier à cheval. Donc on a assez l'idée qu'il y a un cerf un peu magique qui n'est pas affecté par les sifflements de Thiolet, qui l'amène à un autre cerf. Thiolet le dépèce, et puis ensuite, depuis l'autre côté de la rivière, le chevalier lui parle. Il est complètement équipé, donc il a une armure, un home, etc. Thiolet lui pose des questions naïves, comme Perceval, au sujet de ses armes. C'est quoi ça? C'est un home? C'est quoi ça? C'est un... Et il le prend pour un animal sauvage et il l'appelle Chevalier Best. Chevalier Best, un chevalier bête, un nom qu'il reprendra d'ailleurs plus tard dans sa naïveté, parce qu'il pense que, bah, comme il s'est transformé en cerf, il lui attribue cette qualité de bête, cette qualité animale, et il reprendra le nom dans sa naïveté. Le chevalier lui demande d'aller demander à sa mère les armes de son père, ce qu'il fait, et la mère avait effectivement conservé les armes du père de Thiolet, elle les avait coincées dans un coin. Il part pour le château du roi Arthur, une vierge habillée de blanc arrive dans le hall et se dit la fille du roi de l'ogre est cherchant un mari. Elle est suivie par un chien blanc, disons que quiconque suit le chien blanc sera amené auprès du cerf blanc. Là on pense plutôt à la chasse au cerf blanc de la seconde continuation de Perceval, où une dame disait à Perceval, tu dois trouver le cerf et je te donne ce chien pour le trouver. Donc là on a le motif de la dame qui donne un brachet pour chercher un cerf. Et c'est exactement le même motif que donc dans Gingomar, où c'est la reine et le roi, pour se débarrasser de Gingomar, lui donnent un petit braque, un brachet blanc, ou je sais pas s'il est blanc aussi, mais enfin c'est un petit braque pour aller chasser, pour le coup, un sanglier blanc. Mmh. Donc on a le thème celtique de l'animal blanc qui est exceptionnel parce que rare et puis qui justement est généralement un signe de l'autre monde. Et là, le brachet qui est donc connecté à tout ça, puis la chasse au cerf blanc qui est vraiment ce motif classique. Hein. C'était aussi ce qu'on avait au début de Erec, la chasse du cerf qui démarrait l'histoire. Et donc, celui qui ramène le pied du cerf pourra épouser la dame. Alors Thiolet, plein de chevaliers s'élancent, mais ils sont arrêtés par une rivière. Thiolet n'est pas arrêté, il parvient à passer à travers. Il trouve le cerf... Il le siffle et il lui coupe le pied quand il vient vers lui. Alors la dame les avait prévenus, elle avait dit « Celui qui attaquera le cerf, il se fera attaquer immédiatement par des lions. » Apparemment, ça fait partie de l'épreuve. Et des lions attaquent Thiolet comme prévu, mais il les défait, il arrive à les battre. Il y a un félon qui attaque Thiolet à ce moment-là, puis comme il est affaibli par les lions, il est fatigué, il n'arrive pas à se défendre, il le laisse pour mort, donc il est blessé grièvement, puis il n'arrive pas à se relever. Le félon prend le pied et va clamer la main de la demoiselle. Alors la cour se méfie un petit peu, parce qu'elle se dit, elle ne se rappelle pas de ce type, il n'a pas l'air d'être assez fort pour faire ça, on ne se souvient pas s'il était parti avec... Voilà, on n'est pas sûr. Et donc ils disent, on va attendre que le chien revienne, parce qu'apparemment ça faisait partie du truc, qu'il fallait suivre le chien, puis donc on va attendre que le chien revienne. Une fois que le chien est là, Gauvin lui dit, qu'y a-t-il mon vieux Milou, un chevalier? Donc Gauvin va suivre le chien, va suivre la piste jusqu'au corps de Thiolet qui était laissé pour mort. Il va le faire soigner. Une fois que Thiolet est soigné, il va confronter le félon qui est obligé d'admettre qu'il n'a pas battu les lions ni ne s'est emparé du pied du cerf à la loyale. Et Thiolet lui accorde son pardon et il marie la demoiselle avec laquelle il va vivre heureux. Donc le motif de conte là, c'est le motif de l'usurpateur, du faux héros, qui est un personnage très très important des contes populaires, notamment Prop, qui a fait une morphologie du conte, où il essayait de faire une espèce de formule de base dont il dérivait tous les contes russes. Un de ses personnages principaux, il y avait le protagoniste, mais il y avait aussi le faux héros. Et dans le conte typique, dans la version typique du conte 300, notamment pour la version française, c'est la bête à sept têtes généralement, où il y a justement trois frères qui vont se battre contre cette bête, etc. Puis il y en a un qui arrive à la tuer, et ce qu'il fait généralement, c'est qu'il coupe la langue Il coupe la langue de la bête et il la planque, il l'enterre. Et du coup, il y a le méchant qui arrive à ramener la tête de la bête pour se faire passer pour le héros. Mais le héros dit, ah, mais est-ce que cette bête, elle a une langue? Puis donc on ouvre la bouche, on voit qu'elle a pas de langue. Et puis là, il sort la langue de sa poche et il dit, c'est moi qui l'ai tué pour de vrai. Parce qu'il il savait que ça allait se produire. C'est assez proche aussi de l'histoire qu'on avait dans le Père Lesvos, où il y a que qui tuait le fils d'Arthur et qui s'appropriait. Le fils d'Arthur avait tué un géant et s'était endormi dessus. Et que l'avait tué puis ramené la tête du géant. Donc on a ce motif aussi proche de certains contes populaires qu'on trouvait dans le Père Lesvos. De la traîtrise et le personnage traître qui essaie stealing de valor. Voilà, qui est stealing valor littéralement. Il essaie de s'approprier l'exploit du héros et le héros doit le prouver d'une manière ou d'une autre. Le début ressemble beaucoup à Perceval. On l'a dit, Thiolet est le fils de la veuve d'âme. Il pose des questions très naïves comme Perceval le fait auprès des chevaliers. Donc là on a vraiment l'impression de voir un motif très proche. Alors est-ce que c'est inspiré de Perceval? C'est possible parce que c'est dur de dater, mais aussi très probable qu'il y ait un prototype à l'origine de l'histoire de Chrétien. Ce que je me suis posé la question, c'est parce que au début, j'ai un peu mal compris le côté du cerf-garou, l'espèce de cerf-garou. Ouais. Au début, je me suis demandé si on n'était pas censé voir, comprendre qu'en fait, au début, il pensait que c'était un cerf ou un genre de centaure, puis qu'après, il voyait le chevalier sortir de son cheval, et puis en fait, c'est juste un motif vraiment de naïveté. Et en fait, ça semble pas être le cas, parce qu'on dit clairement que c'est un cerf, puis après, il dit clairement, ah non, en fait, il s'est changé en type sur un destrier. Donc il s'est transfiguré. C'est pas ça, mais je me demande si c'est peut-être une mauvaise compréhension d'une histoire où au début, c'était vraiment ça qui expliquait la naïveté du héros et qu'en fait involontairement on a rajouté de la magie c'était une méprise, en comprenant pas ce qui était devait être une métaphore, enfin une espèce d'erreur de la part deux fleurs dans le disque monde qui se retrouve avec quatre yeux sur la version alors qu'en fait c'est des lunettes. Enfin tout ça c'est une question secondaire. Après le côté du cerf, on peut essayer de voir éventuellement le parallèle avec le cerf justement blanc qui est pourchassé à la fin, quoi. Bah, l'interprétation commune de Thiolet, c'est une interprétation totémique, etc. Puis aussi, le chevalier, il fait clairement penser au père de Thiolet. C'est-à-dire qu'il dit, il lui explique déjà quelles sont ses armes, et il dit, va demander à ta mère les armes de ton père. Donc il y a beaucoup de gens qui vont interpréter ça comme une espèce de fantôme du père de Thiolet qui revient pour lui dire, il faut que tu rejoignes le monde de la chevalerie maintenant, malgré le fait que je suis mort. Peut-être. Alors est-ce qu'il est. Alors, c'est ça dans les nuages. Alors est-ce qu'il est mort ou bien est-ce que par exemple il a été enlevé par une fée ou bien est-ce que son père est un père féerique, parce qu'apparemment Thiolet a appris d'une fée à siffler, à amener les animaux. Oui, il a ce pouvoir un peu magique. Il a ce pouvoir d'attirer les animaux à lui, mais ça pourrait s'expliquer aussi si par exemple son père était. Si la fée c'était son père ou s'il avait une origine féerique. Il y a ce côté effectivement aussi assez distinct de Perceval dans le moment où il arrive, parce que du coup c'est beaucoup plus simplifié. Il n'y a pas toute l'histoire de il arrive et puis il doit se mettre à l'épreuve, il n'y a que qui le méprise. C'est un peu évadé là pour le coup. On est vraiment, non, c'est un peu évadé, mais c'est vraiment, on a l'impression d'avoir une histoire qui a été faite en rassemblant deux blocs qui étaient le conte ATU 300, donc la chasse et puis ramener la tête, etc. Et puis le début qui a l'air d'être vraiment le début du fils de la veuve Perceval. On a vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui a embrayé ces deux wagons ensemble. Puis pour le côté de la chasse au cerf blanc, c'est assez proche aussi comme je t'avais dit, de ce conte là, parce qu'il faut suivre le chien pour arriver au cerf. Il se fait voler aussi Perceval la tête du cerf et le chien qui lui servait à conclure sa quête. Puis aussi, donc ouais, il y a des interprétations de Thiolet un peu comme voilà, c'est une preuve d'un meurtre totémique parce qu'il est en train de dépecer le cerf alors que l'autre se change en cerf. Donc c'est vrai qu'on se demande, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... Ouais, peut-être pas totémique, mais disons... Il a tué le père. Voilà, bah honnêtement, c'est un de ces cas où on se dit, bon, c'est assez... Ça fait pas le moins de sens, effectivement. L'analyse freudienne peut marcher à peu près ici, mais... Disons, je pense qu'il y a aussi l'histoire du changement. Je vois éventuellement le parallèle avec la damoiselle qu'on a vu dans Le Bel Inconnu, donc qui se change en le dragon serpent qui se change en damoiselle, le cerf qui se change en chevalier. Il y a le côté vraiment un peu personnage bénéfique caché qui change de forme. Je suis pas sûr que ce soit nécessairement le plus c'est son patronus. C'est un peu ça. Il y a le côté... Je me suis toujours demandé si la référence au fait que Harry voit un patronus, il voit littéralement un cerf blanc de l'autre côté d'une rivière dans Harry Potter 3. Je me suis demandé si J.K. Rowling, qui a étudié, je crois, notamment les littératures médiévales, s'était pas inspiré de ce genre de scène, un cerf de l'autre côté d'une rivière, et puis parce que c'est classique. C'est généralement ce qu'on dit. Oh, la chasse au cerf blanc, l'autre monde, la rivière. Bah, c'est ce qu'on a vu. On a vu un des plus anciens parallèles de ce texte dans les chasses au cerf, au début des Mabinogion. Ouais. Le séjour dans l'autre monde. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit effectivement. On a vu dans la plupart de ces laits au début, les laits anonymes de Graëlant et de Gringamore qui ont cette espèce de passage dans l'outre-monde, alors que ce soit à travers que ce soit pour disons, y rester dans le cas de Gringamore ou pour en revenir avec cette campagne fée comme Graeland, donc un peu comme Lanval. Mais dans les deux cas, il y a ce côté liminal de la rivière, effectivement, le côté de la chasse à l'animal fantastique. C'est vraiment ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est vraiment ce côté qui est... Les Bretons sont intéressants parce que déjà ils sont revendiqués comme étant Bretons, ils sont revendiqués comme étant donc Celtes, et ils mettent, c'est probablement notre meilleure preuve d'un passif celtique dans d'un substrat celtique dans la mythologie arthurienne française, outre le fait que évidemment le roi Arthur est un héros celte à la base, c'est assez clair qu'il est un héros breton, et on retrouve des éléments semblables dans les textes comme Colore Eolwen, cette chasse aux sangliers dans Colore Eolwen notamment, mais il y a des éléments supplémentaire, le fait qu'il soit blanc par exemple, ça c'est clairement aussi celte, et c'est pas simplement une invention des continuateurs disons français de la matière de Bretagne. Non, puis c'est aussi ce que j'aime beaucoup avec Céleste, c'est que c'est vraiment un réservoir de motifs et de thèmes qui sont constamment remixés, c'est-à-dire que vous avez l'impression, quand vous les lisez tous à la suite, vous avez vraiment l'impression de voir des bardes qui... On sent un peu le côté, justement, comme je l'ai dit, le côté un peu de deux wagons accrochés ensemble pour l'histoire de Thiollet. On a vraiment l'impression qu'ils piochent dans un certain registre où ils ont un réservoir de personnages et de motifs, puis ils les réarrangent un peu de différentes manières. Disons, ils sont probablement aussi un meilleur témoignage de la tradition orale, et j'entends purement orale, donc une transmission de textes et de récits, que, par exemple, les romans de chrétiens ou les romans en prose ultérieure, qui ont pu être lus à haute voix, mais qui ont été lus, s'ils ont été lus à haute voix, c'était depuis un texte. Ouais. C'était pas des romans improvisés à la suite, c'était clairement... En tout cas, à partir de leur mise en écrit, quand on les lit, on se base sur un livre et on les reprend. Là, il y a peut-être plus une circulation, effectivement, une répétition par des gens qui voyagent et qui racontent ces histoires. Disons, ils sont intéressants, les Lais, parce qu'ils illustrent justement une tradition un peu divergente et parallèle d'une tradition plus courte et plus isolée. Et aussi, ironiquement, d'une tradition qui fonctionne avec des héros un peu plus, disons... transient, Thiollet n'est pas un personnage fixe de la matière de Bretagne, pas plus que Graëlan ou même Gingamore, enfin je veux dire, on n'en parle pas des Minélissants, et le lait du corps et le lait du Courmantel sont peut-être des exceptions, mais qui sont moins typiquement des laits, il y a des manuscrits qui les revendiquent comme étant basés sur des laits comme les laits de Marie de France, mais c'est peut-être les moins évidemment... Les laits les moins évidents, entre guillemets, qu'on a vu dans ce texte, même s'ils méritent ce qualificatif aussi. Ils sont, je pense, ils ont quelque chose de très proche du conte, dans le sens où c'est des personnages qui n'ont pas une psychologie complexe. C'est pas des personnages qui vont avoir justement ce qui va plus tard marquer la littérature courtoise, où les gens parlent d'à quel point ils sont transpercés par l'amour, etc. Ça peut arriver, mais c'est des personnages qui sont généralement très one note, une note, quoi. Ils sont très... Tu veux dire, dans les laits classiques, par rapport à des laits comme même le lait du corps ou le lait du commentel, qui se repose beaucoup plus quand même sur des... Qui se repose beaucoup plus sur d'autres motifs. Donc le lait, il a quelque chose du conte, dans le sens où c'est des situations où c'est... Chevalier rencontre fée, chevalier tombe amoureux. Puis vous avez une espèce de, c'est un peu péjoratif de dire manque de profondeur, mais je pense un côté simple qui rend ces histoires très courtes et percutantes et assez captivantes. Ces histoires de chevaliers qui de cerfs qui se transforment en chevaliers, etc. Alors que plus tard, quand vous retrouvez ces motifs dans des romans en prose ou autre, il y a une forte rationalisation, une forte aussi peut-être christianisation, c'est un peu abusif, mais vous avez beaucoup de ce symbolisme qui va essayer d'être interprété différemment, ça c'est très clair. Mais donc, je pense qui peut être un peu dommage, mais certains de ces registres vont quand même persister dans des romans isolés plus tardifs qu'on va pouvoir voir, typiquement le motif du Nice, du naïf, comme les Thiollet ou Perceval, il y a des romans plus tardifs qui vont reprendre ça. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'ils illustrent vraiment, comme tu l'as dit, cette incursion de la fine amour, des traditions courtoises et des traditions d'amitié, de l'ami, ces relations-là, qui sont peut-être à l'origine justement de la matière de Bretagne telle qu'on la connaît à partir de Chrétien. J'entends que la matière de Bretagne avant Chrétien est relativement historique, dans en tout cas dans ses incarnations latines et françaises et anglaises, pour le cas de l'Armane. Elle est pas, il n'y a pas une grande profondeur non plus, c'est vraiment des récits de chroniques assez... plus superficielles en termes de développement des personnages, et même dans les incarnations galloises dont on est à peu près sûr qu'elles prédatent Chrétien, comme par exemple Colore Eolwen, il n'y a pas la profondeur émotionnelle qu'on peut avoir chez Chrétien et ses continuateurs et ses successeurs. Donc on peut comprendre qu'il soit tentant de voir les laits comme une espèce d'embranchement, qui se combine avec la matière de Bretagne telle qu'on la connaît pour donner naissance au roman arthurien plus développé, qui va prendre ces idées-là, mais qui va en faire des choses plus longues, plus complexes, plus émotionnellement, Bah, complexe, oui, justement, plus misogyne aussi, mais évidemment, mais aussi plus raffiné et avec plus de profondeur, disons. Aussi parce que c'est des textes plus longs qui ont plus la place pour le faire, alors que dans un LED 600 lignes, bah, vous n'avez pas la place de rentrer dans une longue tirade où vous blâmez le destin vous n'allez pas pouvoir dire que les amants ont bu leur destruction et leur mort de façon aussi lyrique que, vous avez pas juste que le rédacteur du Tristan en prose. Des mecs cocus qui passent leur temps à se lamenter auprès de Fontaine. 15% du roman. Non, mais c'est ça, il y a vraiment, disons, je pense, c'est facile de voir dans le lait une tradition ancienne, celte, mystique et tout ça, même si c'est pas forcément le cas réel, c'est tentant parce que, bah, il y a cette simplicité, ce côté vraiment très punchy et cette concentration du merveilleux dedans qui est aussi, qu'on a vite tendance à rattacher à une espèce d'imaginaire celte, un peu de l'autre monde, de la Noun. Et pas sans fondement, parce qu'on a des textes qui en sont clairement des témoignages au Pays de Galles et en Irlande, qui sont assez similaires, quoi. Je sais pas si t'avais d'autres remarques à faire sur les laits bretons, à la fois de Marie de France et Anonyme. Je crois que c'est après la fin qu'on a... Je pense que c'est la fin un peu du corpus, il y en a encore deux, trois, mais qui disons qu'on va pas traiter, soit c'est des laits didactiques, soit c'est des laits vraiment classiques, on va pas vous parler de ces Orfeo en plus de profondeur. Bah, on reviendra peut-être dans les laits... Disons qu'on parlera, qu'on arrivera aux matériaux moyen anglais. Oui, on parlera des laits moyen anglais qui, eux, ont été repris. Mais c'est vrai que pour les laits français, ça sera peut-être l'occasion aussi de s'intéresser aux laits... une fois aux versions norroises et aux traductions, parce que les laits sont un des corpus qui a été le plus traduit. Alors on sait qu'on a les récits de Chrétien, les récits de Tristan ont été traduits en vieux norrois, en Islande et ailleurs, mais par exemple Hakon IV de Norvège s'est fait traduire par exemple les laits, et on a un recueil de ce que les en norrois on appelle les strengleikar. Donc leikar, c'est les laits au pluriel, streng, c'est la corde. Donc c'est les laits de la corde, donc les laits des instruments à cordes, donc de la harpe en fait, qui est renforce cette association avec la musique qui n'est pas très présente dans les laits. On a vu des laits chantés chez Tristan, dans le Tristan en prose, et on a vu relativement peu de musique dans ces laits-là, finalement, à part pour la mention du lait composé sur l'aventure, quoi. Il y en a deux, trois dans le Tristan en prose quand même. Il y a le fameux harpiste. C'est ce que j'entends, c'est qu'il y a des laits qui sont chantés dont on a des traces dedans, mais dans les laits qu'on a vus là, eux-mêmes ont relativement peu d'incarnation musicale. On sait qu'il y a de la musique dans un manuscrit du Chèvrefeuille, je crois, de Marie de France, mais c'est à peu près tout, quoi. On n'a pas très peu de traces de cette musique celte qui aurait été à l'origine de ces laits, et on n'en aura probablement jamais, à moins de découvertes fortuites, donc on restera encore dans l'inconnu. D'ici là, à l'exploration donc, de ces laits, on en a encore pour un moment. On va faire quoi le mois prochain, Laïs ? Je crois qu'on va essayer de vous présenter des romans un peu isolés. Donc après le Tristan en prose, on va essayer de vous parler de romans qui peuvent se lire en une fois, des aventures comprises en elles-mêmes, quoi. À voir exactement lesquels on va choisir, mais on espère que vous serez là pour les découvrir avec nous. Le mois prochain, du coup à très bientôt. Et n'oubliez pas, la quête continue. Connaissez-vous ludographie comparée ? À chaque numéro, Mathieu Gou, c'est moi, dissèque un élément d'un jeu vidéo, un signe vidéoludique, et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid, le score dans le premier Megaman, le choix dans The Stanley Parable, la difficulté à rebours dans Braid. Autant de raisons d'écouter ludographie comparée sur Radio Kawa.